Salut tout le monde, c'est Dylan. Bienvenue dans la classe. Ça va encore être une émission de ouf ce soir. Je vous mets bien. J'ai des heures de cours gratos à vous filer. Des bons points, du rap de Chou Bruxelles de ce midi à la cantine. Des bons skeuds à streamer et un max de vannes. Comment on va trop se gaulerie ce soir sur Indestar? C'est clairement tout ce qu'on aime, hein. De quoi le rire, les scuds et la gaulerie, ouais. Ouais, c'est ça. Je pensais aux légumes, moi. Chacun son délire. Ouais, non, parce que là, franchement, non. Non, non, non, non, non. Ça ne marche pas. On n'aime pas les légumes, c'est vrai. On va commencer par être poli. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. On est nombreux ce soir. Un petit peu trop. Sortez. On est une grande classe ce soir sur Indestar. Effectivement, une dizaine, 10, hein, j'ai compté. 10 tout pile, 10. Alors finalement, c'est pas une si grande classe que ça, hein, parce que l'éducation nationale dira. 10 personnes, c'est nul. On vous a rajouté. C'est ridicule. C'est ridicule, exactement. Mais pour Indestar, c'est beaucoup dans le studio. Faudra agrandir les murs un bout d'un moment. Ouais, bah on demande. Peut-être qu'un jour ça sera entendu. Que tu veux, comme tu veux. Bon, vous êtes sur Indestar, c'est mercredi soir. C'est pas le premier mercredi du mois. Non. Mais c'est le deuxième parce que tu travailles. Voilà. Enfin, tu fais semblant, mais bon, ça, on nous le dira après. Tais-toi. D'accord, ok. Putain, tu racontes tout. Non, mais tu m'as amené un truc du genre. C'était quoi? C'était une analyse médicale, c'est ça? Ouais, elle a une tendinite. C'est pour ça qu'elle pouvait pas faire. Il y a marqué des trucs dessus. Ça n'existe pas. Non, tu dis à tes souhaits. C'est-à-dire que franchement, il y a des termes, tu n'as jamais entendu parler de ça, de ni non ni nadem. En même temps, si c'est un médecin qui l'a écrit, c'est déjà illisible, donc forcément mais non, tu l'as jamais entendu. C'est par informatique, il a. Ah, même par informatique, ils savent pas écrire. Il sait écrire, mais il a inventé des mots qui n'existent pas, tu vois, où seuls les médecins peuvent comprendre. Bienvenue mais non, en France. Mais déjà, ce que j'ai, c'est des gens de 45 ans qui devraient l'avoir, tu vois, environ. T'es vieille avant l'heure. J'en ai 23, quoi. Ouais. Tes cheveux blancs, ils trompent personne. Chut. C'est là que tu te dis que la retraite, ça va être long. Hein. Ouais. Elle est en avance sur son temps. Oui, on peut voir ça comme ça aussi, François, effectivement. Et du coup, j'aurais pas la retraite avant, quoi. Non, c'est sûr. Combien? 67 ans minimum. Alors là, c'est pas sûr qu'il ait un jour. François a cassé le micro. Non, il était déjà cassé. Non, c'est vrai que c'était cassé déjà. Non, t'inquiète pas. Il est démontable, c'est pas pareil. Exactement. Comme les boutons démontables. Bon, on a Linda, on a Léa, on a Teddy, on a Kylian ce soir, on a Antoine, on a François, on a Nico, et puis bien sûr les filles, l'indissociable. Enfin, j'ai cru qu'il allait nous oublier. Anaïs et Amélie. T'as oublié quelqu'un. Moi je trouve qu'elles sont dissociables. Et bien il y a Théo. C'est vrai qu'elles sont des sociables. Clairement. Elles sont quoi? Oui, je suis là. Pardon, elles sont quoi? T'es sociable. Moi? Oui. Non, dissociable. Donc t'es 10 fois sociable. C'est nouveau, moi, qui elle a pas compris. Ouais. Non, mais t'apprends. C'est comme t'es lexique ou dyslexique, tu vois. Je me suis améliorée. Mm-hmm. Ok. Je me suis améliorée. Bon, qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est quoi le programme de cette émission, Amel? Bah, comme tous les mercredis du premier ou du deuxième mois. Ouais, on peut rien dire comme ça, mais oui, j'ai compris l'idée. Un mercredi dans le mois. Ok. Vous me connaissez à force, hein. Eh ben, on va partir à l'école. Ok, donc au collège, un collège qui change régulièrement, tous les mois on va dans un nouveau collège, avec un nouveau niveau, puisque là nous allons avoir des sixièmes, et dans une nouvelle classe, avec des nouveaux professeurs, des nouvelles matières. L'idée c'est que, évidemment, on va essayer en tant qu'élève, hein, d'emmagasiner les meilleures moyennes dans chaque matière pour avoir la meilleure moyenne générale. Et à la fin, il y a les récompenses ou l'inverse de la récompense. Le malus, puisqu'il y a le conseil de classe et c'est là où on fait un petit peu le topo. Alors j'ai envie de demander à Kylian, parce que Kylian, t'es en plein dedans, toi, t'es au collège. Oui. T'es en quatrième cette année. C'est ça. Voilà, donc un petit peu plus âgé que nos élèves du jour. Comment tu vis ce moment-là, genre le conseil de classe? Est-ce que tu flippes ou parce que j'ai des mauvais souvenirs, moi, du conseil de classe. Mais... Parce que t'étais mauvais. Peut-être que c'est pour ça. Peut-être que ça y joue. T'as raison. J'en ai totalement. Rien à faire du conseil de classe. C'est vrai, parce que tu sais que les gens vont être contents de toi ou au contraire. Ah non, pas... moi j'ai une question. J'en ai rien à faire. Moi c'est j'ai une question. Simple. Ok. T'es plutôt du genre bon élève ou élève à rien faire? Au milieu. Au milieu. L'élève qu'on ne remarque pas. Tu es c'est sage. Cela. Tu es, voilà, et sage en cours. Alors j'étais du même genre, hein, mais bon. On a Léa aussi qui. On a aussi une autre collégienne avec nous. Oui, mais oui, tu l'as oublié. Léa, troisième, toi. Hein. C'est ça. Dernière année de collège. Mais tu vis comment toi? Tu le vis bien, le conseil de classe? Oh, tranquillou, en sachant que là, j'ai eu des. Non. Juste en dessous, des encouragements. Tableau d'honneur. Voilà, tableau d'honneur. J'ai eu un tableau d'honneur. Tableau d'honneur. C'est quoi un tableau d'honneur? Je sais pas, on n'a pas ça, nous. Franchement, t'avais des encouragements. C'est le milieu, c'est le truc qui est bien. Ouais. C'est pas le niveau le plus haut, mais c'est le truc qui est bien. D'accord. Bonne chance pour le brevet, d'ailleurs. Même pas si j'ai eu un jour les encouragements. Elle a eu son nom écrit sur le tableau, quoi. Ouais, bah c'est juste ça. La jalousie. En vrai, hein. Et ouais, on aime, nous, quand on a notre nom décrit sur le tableau. Moi, j'ai eu les félicitations. Oui. En tant que vrai élève ou en tant que. En tant que vrai élève, quand j'ai passé mon premier. Alors, ça dépend, Yann, parce que ici, quand il y a notre. Théo, quand il y a notre nom sur le tableau, c'est pour faire le ménage. Ah oui. Alors, là, je kiffe pas trop, tu vois. C'est vrai. Moi, l'école primaire, quand il y avait le nom sur le tableau, c'était pour mettre des croix pour copier le règlement à la fin. D'accord. Donc, toi, c'était carrément la punition. Voilà. Je te vois pas, je te cherchais. Merde, il est où? Je suis là. Il est là, Antoine, caché dans le coin, ouais. Vous êtes également sur Twitch, alors on n'a pas la vidéo, hein, puisqu'on part dans un collège et c'est interdit de filmer l'intérieur des collèges, parce que sinon on se fait tuer par l'éducation nationale. Il y a Lutherbach notamment qui nous écrit et qui nous dit on vous voit c'est pas, Luther. C'est normal. Luther. Luther, mais pourquoi je dis Luther? Je sais pas. Parce que t'es mauvais. Bah oui, c'est ça. Bah, va falloir que tu fasses un Lutherbach. Qu'est-ce qui connaît pas les bières, en fait? La bière. C'est non. C'est un nom de bière. Bah, c'est une ancienne marque de bière. Oui, ça c'est vrai qu'il l'avait dit la dernière fois. Mais j'avais oublié depuis, mais c'est surtout que je ne connaissais pas plus la prononciation. Tu vas te rattraper en cours de français. Oui, il y a du cours de français ce soir. Il y a du cours de français ce soir. Alors, ce que je vous propose, c'est justement d'aller voir le proviseur du collège pour faire connaissance, pour que nos élèves du jour fassent connaissance avec le proviseur. Et c'est lui qui va nous distribuer nos emplois du temps, savoir ce qu'on a comme programme ce soir. Ouais. Okay. T'es parti, mon kiki. Yes. C'est par là, je crois, son bureau. Bah, comme oui, bah, il me semble, top, on verra bien. Que c'est tout ouais. droit. Hein. Ouais. Entrée. Bonsoir monsieur. Bonjour. Bonjour. Tu fais des cours à quelle heure toi? Bah, je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez vous asseoir, jeune disciple. Vous êtes nombreux ce soir. Bonsoir. C'est un grand pas que vous franchissez aujourd'hui, puisque vous allez quitter votre petite école rurale pour aller étudier dans notre collège d'apprentis sages, mais pas trop. C'est le nom du collège. Un établissement qui est quand même gratifié d'une étoile 1,5 sur l'internet, c'est vous dire la qualité de nos enseignants et de la cantine, effectivement aussi. Le courage est l'arme de la rigueur qui combat la fainéantise et ainsi de suite. C'est un adage qui ne veut pas dire grand-chose, mais que nous suivons quand même ici. D'accord. Okay. Quant à moi, monsieur Boulard. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Bah, vous, ça m'étonnerait, puisque vous êtes, j'estime, jeune homme issu d'une petite école rurale. Ouais, vous n'avez pas encore fréquenté le collège. Il me semble collège. Que je vous ai aussi déjà vu. D'accord. Pendant la visite du collège. Je crois que j'ai une vie antérieure qui me dit. Exactement. Vous connaissez. C'est flippant. On me voit en 4x3 dans la rue, c'est peut-être pour ça. Et vous m'aimez bien d'ailleurs dans cette vie antérieure. En tous les cas, durant les 4 prochaines années minimum, je serai votre pire cauchemar. Oh. Attendez-vous à ne pas dormir la nuit. Je vais procéder à l'appel. Nous avons mademoiselle Rachel Lavoisine. Présente. Mademoiselle Adèle Auger. Ouais. S'il vous plaît, les ouais sont exclus. Wesh. Monsieur Roberto Carlos. Oui, monsieur, je suis là. On ne savait pas ça, monsieur, on t'a pas encore entendu. Monsieur Alexandrie. Ouais, monsieur, c'est moi. Monsieur Polémique. Présent. Oui. Monsieur Cyrillic. Présent. Ok. Monsieur Sam Lécasse. Bonsoir. Bonsoir. Mademoiselle Mélanie Léfée. Bonsoir, bonjour monsieur. Et enfin, mademoiselle Fanny Léfée. Bonjour monsieur. Un lien de parenté peut-être entre vous deux? Oui, oui, c'est ma sœur. Ah bah, je me disais bien. Très bien. Monsieur, vous avez oublié quelqu'un? Ah, j'ai oublié quelqu'un. Oui, moi. Ah bah oui, tout à fait. Monsieur Thomas Tognon. Wesh. Oui, il est là. Pas de wesh non plus, s'il vous plaît, dans cet établissement. Bien. D'accord. Vous serez donc affecté cette année aux assistés, enfin aux sixistés, plutôt, au sixième T. Ah oui, d'accord. Voilà. Voici votre emploi du temps du jour. Vous débuterez avec du français, puisque vous aurez monsieur Alinéa, qui n'hésitera pas d'ailleurs à mettre les points sur les i et les barres sur les t en cas de débordement. Et les accents circonflexes sur les e et les trémas oui, sur on les... On va pas en faire tout un fromage, monsieur Roberto. On a des cours de fromage. Vous sombrerez dans l'art plastique avec Michel-Ange. Avant d'affronter l'histoire avec monsieur Tank, Isidore de son prénom. Un peu de sensibilisation écologique avec mademoiselle Anne Hidalgo, avec qui vous passerez votre code piéton. Ah bah ça m'étonne pas. Ah, ok. Avant de mettre au rebut vos convictions avec monsieur MacWindows pour un cours de techno. Et enfin mademoiselle Rose Beef pour l'anglais, qui vous mettra d'ailleurs l'eau à la bouche hein, pour aller au dîner. Puisque vous terminerez, je vous le dis, les cours à 21h, ce soir notre professeur d'histoire fait sa sieste entre 13h et 15h. Donc vous aurez une longue pause déjeuner. Ah ouais, ok. J'ai bien fait de dire bonsoir. Hein. On va terminer tard. Hein. Oui. Confirme. Je crois que la messe est dite. Pour toute question complémentaire, veuillez ne pas me solliciter. Appelez 3615. Vous pouvez disposer et sortir de mon bureau, jeunes gens. D'accord, merci monsieur. Monsieur, c'est où le premier cours? Le premier cours, vous le regarderez sur votre ENT. Vous y avez accès, vous avez les codes pour vous connecter à votre ENT. Soyez un petit peu connecté, monsieur Roberto, vous n'allez pas commencer. Monsieur, vous rappelez mon code. Au revoir monsieur. Enfin tout de même. Moi je propose que avant d'aller en classe, on aille un peu souffler un peu. Tu veux souffler, écouter de la musique, te divertir en écoutant Indestar évidemment. Ouais. On va écouter Girlfriend. Ok, c'est Taylor Ward je crois. Oui c'est ça. Ouais. C'est Merci, j'osais pas le dire. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle savait pas le lire. Taylor Ward quand même. Non mais bah des fois je comprends, mais alors là je comprends pas. Non. Non mais quand même, tu vois, niveau 6ème. Hein. Girlfriend elle a compris. Oui. Bah oui quand même. On your face, Kimmy K spray, yeah, red bottoms but they fake. She pull up to the gate, I think I got a girlfriend, but I don't know what to say. She been trying to claim it, trying to get herself a baby, and I don't think that she planned to tell me. I think I got a girlfriend and I don't know it. All her other girlfriends tell her don't blow it. All she wants to do is drink up that red. All I wanna do is lay in my bed. I think I got a girlfriend, girlfriend, girlfriend. I think I got a girlfriend, girlfriend, girlfriend. I think I got a curl up on my love shack in the middle of my house. And all she wants to do is lick and kiss me on the mouth, love me on the couch. Now she's sneaking down the hall, trying to call her mom. My mom's waiting by the phone since 6 o'clock. And she bad, she bad, she bad for me. She bad, she bad, she bad. I think I got a girlfriend and I don't know it. All of other girlfriends tell her don't blow it. All she wants to do is drink up that bread. All I wanna do is lay in my bed. I think I got a girlfriend. On the same page, the 100 meter and a mile ain't the same pace. I'm thinking I might need a little bit more space. You trying to cuff, but we ain't linking in the same way. Different chains, different keys. You ain't locking me, no waves in these seas. I don't know what you see. Girl, don't make me rap about you. Cause if you're brew the tea, I'll be pouring facts about you. Ooh, don't make me think do I it got too. A girlfriend, and I don't know it. All of other girlfriends tell her don't blow it. All she wants to do is drink up that bread. All I wanna do is lay in my bed. I think I got a girlfriend and I don't know it. All her other girlfriends tell her don't blow it. All she wants to do is drink up that bread. All I wanna do is lay in my bed. I think I got a girlfriend, girlfriend, girlfriend. I think I got a girlfriend, girlfriend, girlfriend. Yo les frérots, Dylan en live dans la classe sur Indestar. On fait des heures sup ce soir, on termine à 21h. Et ouais. Là où j'étais, les parents n'inscrivaient pas leur enfant en maternelle, car ils n'avaient pas les moyens de payer pendant 3 années. Entre 6 et 7 ans, et souvent plus vieux, les enfants entrent directement en CP. C'est sans avoir de base pour apprendre le français. Il y a ceux aussi qui ne vont pas du tout. Ouais, raconte ta vie, raconte ta vie. Ouais. Chemin à pratiquer. Ça fait vraiment ça quand même. Rap collégial. Ouais, c'est un petit peu long là. Rap de collégial en fait. Ouais. Amandine du 38, l'inimitable sur Indestar en YOLO musique qui est dans la classe. Personne ne veut l'imiter. Hein. Non, c'est ça. C'est l'inimitable parce que personne ne le veut. Tu vois. Est-ce que vous pouvez dire que je chante mieux qu'elle? Non, je sais pas. C'est pas sûr, elle a une meilleure compression. Disons qu'elle a peut-être plus le sens du rythme que toi. Mais c'est vrai, elle m'a jamais entendu du coup. Il y en a plein, ils m'ont pas entendu chanter. Non, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Pas plus mal, hein. Pas plus mal. parce que j'ai réécouté la dernière fois, c'était pas terrible. Hein. Moi j'ai réécouté. T'es gentil en disant c'était pas terrible. C'est un peu méchant. Il dit que la dernière fois en plus. Il y a même pas de jalousie. Genre j'ai réécouté, tu te souviens, je crois que c'était la dernière d'Actu Solide l'année dernière. Ouais. On a fait un karaoké. Ok. Sous le vent à la chanter. Oui, ah oulala. Avec Antoine, hein. Ouais, oui, c'était vraiment un ouragan à la fin. Ça arrive. C'était un bootleg entre Sous le vent et Comme un ouragan. Non mais attends, quand t'as pas le rythme, t'as tendance à parler un peu moins fort, mais elle gueule. Non, là c'est l'inverse pour Amel. Non, j'étais trop dans le rythme. C'est vous qui avez pas mon rythme. C'est ça, c'est la musique qui suivait pas. Surtout, en fait. Je me rappelle de Garou qui avait trois voix différentes. Ouais, bah on fait ce qu'on peut quand on peut. Hein. Bon, en tout cas, ce soir c'est la classe et c'est jusqu'à 21h avec une classe de 6ème ce soir en retour au collège. Les 6ème T. Les 6ème T, exactement, qui vont suivre différents cours. Je rappelle que l'idée c'est d'avoir les meilleures notes, donc il va falloir cartonner ce soir afin d'obtenir les meilleures moyennes. Et à la fin, conseil de classe, on sanctionne le moins bon et on récompense le meilleur comme à l'ancienne, comme dans les années 50. Et c'est bon, tu te tais ? J'ai envie de faire la pub pour la prochaine émission de la classe, mercredi 8 mars. Ah oui, ah bon, on est loin, mais oui. Il aime bien. Tu sais que ça sera le 8 mars à 19h. Et en fait, imagine que je peux pas, et en fait, ils ont échangé mes journées, et du coup, on vient la semaine d'avant. C'est pour toi, Kylian. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de vous en reparler. Avant cela, il y aura la rediff, etc. Et bien sûr, les podcasts. Mais avant toute chose, premier cours. Oui, en français, en plus. Eh, hey, vous êtes où là? Ah, il est là-bas, le prof de français. Je suis là, oh les élèves, hey, venez vite, j'ai pas le temps. Oh, calmez-vous, monsieur. Hey, c'est pas vous, mais moi je suis un peu perdu dans les couleurs, tu sais. Ça a l'air. Eh, pas de bavardage, on s'installe, hop, vite, on sort une feuille, un stylo et c'est bon. J'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous après. En tout cas, monsieur, vous êtes quand même en beau. Ah, ça y recommence. Ah, non, mais monsieur, faut se calmer. Alors bonjour, je me présente, je suis monsieur Alinéa, je suis votre prof de français. C'est joli, ça coule tout seul, Alinéa, je trouve. Exactement, mais j'ai pas le temps, j'ai un date juste après. Donc, on va faire vite. C'est on quoi, va faire un une petite dictée. Un date, c'est un rendez-vous. C'est quoi, un rendez-vous. Voilà. Moi aussi, j'ai un rendez-vous. Ce soir, je vais faire du violon. Parce que mon papa, il aime c'est bien le violon. C'est très bien. Alors. Quel violon. Oui, c'est bien, tu fais du violon. Avec qui? Papa avec encore. Une femme, voyons. Oh. J'essaye de pécho. Ah. Voilà. Okay. Pécho. Vous savez comment ça s'écrit, pécho? Oui. Il me semble. Ouais. Eh ben, on s'en fout. Mon papa. Connaissez ce mot. Alors, vous prenez une feuille, un stylo, et on va commencer par une petite dictée rapide. Okay. Monsieur, monsieur. Vous voulez. Vous préférez du 24-32 ou du 21-29-7 pour les cahiers? Du feutre et un tableau Velleda. Alex. Okay. Alex. Car c'est effaçable. Alex, tu peux me prêter une feuille, s'il te plaît? J'ai oublié mes feuilles. Ouais, mais ça sera. Rendre parce que prêter c'est prêter, c'est 5 euros la feuille. Reprendre chez c'est moi. Voler, bien, bonne expression. C'est pas un ça point que je gratuit. Non, mais non, mais oh, oh. Un point pour comment tu c'est t'appelles petit déjà? Moi c'est Alex, monsieur. Alex, tu t'appelles? Et eh ben tiens, tu as un point, Alex. Merci, monsieur. Voilà, il a cité un dicton français. Voilà, alors. Première phrase, je veux pas toute la phrase en entier, on n'a pas le temps, en entière, pardon, excusez-moi. Okay. Un prof de français qui parle pas français. Exactement, okay. J'ai jamais dit que j'ai. J'ai fait ma formation en 4 jours, hein, ok. Bon, vous commencez là, parce qu'à ce rythme-là, on aura fait qu'un mot en une heure. Hein. Tu as raison, comment tu t'appelles? Adèle. Ok, t'as un point. Ok. Maintenant qu'on dit ça, on a. Faut être un peu virulent. Moi, je les mate, moi. Alors, je ne suis pas pêcheur, mais ta sœur ressemble à un sélacanthe. Le mot à écrire, évidemment, et c'est la cante. C'était pas pêcheur? Non, c'est trop facile. Je peux avoir un autre stylo, s'il vous plaît? Moi aussi, s'il vous plaît, je voudrais un stylo, monsieur, ne fonctionne pas. Donnez vous débrouillez, ça, je vous ai mis un pot au milieu de la classe, vous allez les chercher, vous le. C'est quoi le mot déjà, monsieur? C'est la cante. C'est la cante. C'est la cantine. C'est la cantine. Un poisson préhistorique qui a presque pas évolué ces dernières milliards d'années. Ah, comme Adèle? Comme Adèle, effectivement. Qui est Adèle? Elle vous fait un. Ah, c'est. Ah, bah non, c'est pas je sais pas si tu as évolué, t'as mais. C'est un gros mot. Hein. Là, moi, je dis moins un point. Hein. Oui. Pourquoi? Elle a dit un elle gros a mot. Dit, un gros pas entendu. Ça fait partie de la langue française, il est dans le dictionnaire. Voilà. C'est la cante. Oui. Alors, vous êtes Adèle, c'est ça? Oui. Bon, ça va être facile à vous retenir, hein. Vous aurez zéro à chaque fois, je crois. Voilà. Alors, oula. Monsieur. Oula. Alors, oula. Je vais vous épeler le mot parce que je ne vois pas du tout ce que vous avez écrit. Ouais. Ok. On peut tricher? Pêcheur. C'est ok, ok. Attendez, je crois que il n'y a aucun mot de bon. C'est ouais, ça va être rapide. Ah, c'est avec un O, monsieur. Peut-être, Alexis, faites-moi voir votre ardoise de plus près. Ou. Épelez-moi comment vous avez écrit? Alors, C-O-E-L-A-C-A-N-T-E. Mais il a changé! Il a changé, mais il on n'a a rien dit. Il a triché, monsieur. Il a changé, il a triché, même avec un O. Je n'avais pas donné la réponse. Depuis tout à l'heure, il regarde sur moi. En fait, oui, mais si vous lui dites que c'est monsieur. Pas vous. Il y a mon papa, il m'a envoyé la réponse par SMS, monsieur. Mais vous n'avez pas dit qu'on n'avait pas le droit? Ah bah si. Si, on n'a pas le droit, effectivement. Depuis quand vous avez un téléphone? On n'a pas le temps de se soucier des téléphones. Donc oui, personne n'a bon. Allez hop, zéro point. Hop, mais voilà, c'est fait. Merci beaucoup. C'était la bonne réponse. C'est oui, gentil, ça s'écrit par contre, comme l'a dit le papa d'Alexis. Alexis, c'est monsieur. C'est O-E, mais le O dans le E. Je sais plus comment ça s'appelle. Okay. Je vois ce que c'est, monsieur. L-A-C-A-N-T-H-E. C'est oh, ouais, mais c'est un truc. Moi, j'ai juste oublié. C'est un poisson. Non, t'as mis un S aussi. Ah merde, c'est un C. Oui. Bah, ça peut se transformer facile, hein. Bah oui, mais il fallait monsieur, le faire, hein, du coup. Monsieur. Et il y a un H aussi qui manque. Monsieur, bon, mon papa vient de m'envoyer que les deux écritures sont possibles. Non, non, non, non. Si, si. Moi, j'en ne veux qu'une seule. Moi, même d'après c'est le dictionnaire, c'est moi la loi ici. C'est le professeur. Je vous conseille de me mettre des points parce que mon père, il va venir. Je faire quoi dis comme... Et moi, je vous dis. J'ai un date avec une fille, pas avec un mec. Non, mais je vous moi aussi, il peut venir jouer du violon si vous voulez. Et il casse des genoux, mon père. Moi, il joue du violon. Si vous voulez, mon père, il peut venir avec la ceinture. Hein. Qu'est-ce que vous avez avec vos papas? Il y a un complexe, là. Il y a quelque chose. On peut continuer, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, on peut continuer. Merci. Je peux avoir un point, du coup? Non. Non. Pas cette fois. Quel cruel dilemme de choisir entre les gaufres ou les crêpes au Nutella. Les deux sont une Nutella, évidemment. Le mot à écrire, c'est dilemme. Ah, bah ça va, en gros. Enfin, facile. C'est pas toujours très difficile non plus. Hein. Enfin, voilà, réinvestir. Je sais que vous êtes pas très fut-fut, alors bon. Hein. Monsieur Boulard m'a prévenu qu'il y avait pas toutes les lumières partout. Y a pas les lumières à aller aux étages. Voilà, c'est ça. Dilemme. Je pense. Alors, dilemme. Dilemme. Alors, moi, j'ai mis deux M. J'ai du dilemme partout. Parce que dans le mot je t'aime, il y a deux M. Oui. C'est pas comme ça, dilemme. Je suis pas sûre. Oh, alors, il y a pas de H. Elle est trop nulle. Trop nulle, il y a pas de H. Il a fait pareil, il a mis deux M. Ouais. Effectivement. Alors nous avons, ça s'écrivait D I L E M M E. C'est bon. Ouais. Yes. Donc, vous vous croyez à la foire ici? Bah ça va non, toi. Mais toi aussi, alors, faut te calmer. Hein. T'es pas délégué. Hein. Comptons les points. Rachel a un point. Moi aussi. Non, il y avait un H quelque part. Non, chez Rachel. C'est moi. Non, c'est moi. C'est ballot. Là-bas dans le fond, comment vous appelez les deux pas très beaux là? Thomas. Ouais, Thomas. Va falloir parler plus fort les gars. Parce Thomas, que je vous Thomas pas il a pas eu bon. Thomas il a pas eu bon. Non, il a mis un M et un H aussi. Ah, il est mauvais. Vous ouais, m'avez bien compté un point, monsieur Ali. Je le sentais. Oui, je vous Néa. Ai bien compté un point, mademoiselle. Merci. Nous avons aussi monsieur Paul, là, c'est oui. ça oui, oui, vous avez oui. eu. Ouais, j'ai voilà. un point. Et okay. un point de plus. Et un point. Moi aussi, monsieur. J'ai un point. J'aime bien cette tentative monsieur, de correction. Vous avez une très belle barbe, monsieur. Merci. Ça va être ça fait on très plaisir. Un amiche. Alors, troisième. J'ai bien envie de défenestrer la cantinière. Le mot à écrire, évidemment, est défenestré. Quelqu'un pourrait me dire ce que veut dire défenestrer. Ça veut dire c'est on va, en dehors de la fenêtre. On va c'est, le tuer, on va passer par la fenêtre. C'est lancer quelqu'un par la fenêtre. Vous pouvez voilà, redire la phrase, s'il vous plaît. J'ai bien envie de défenestrer la cantinière. Comme ça se prononce, on écrit, hein. Allez. Hum. Mm-hmm. Hum. Mm-hmm. Hum. Mm-hmm. Oh, je vais pas vous... Hum. Mm-hmm. Hum. Je sais pas s'il y a un accent circonflexe ou s'il n'y a pas d'accent circonflexe avec un chapeau. J'ai mis un accent, moi. Moi, j'ai pas mis d'accent. C'est pas grave, les accents, on y passe après. Ouais. Je suis pas sûr, hein, monsieur. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon? Alors, attendez, je vois pas dans le fond nos chers rigolos, là-bas. Au pire, dites-moi... Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Dites comment ça s'écrit. Il y a un 5 dans votre mot, c'est normal? Alors, donc, oui, alors, ça s'écrit D-E-F-E-N-E-S-T-R... Ou ER, ah, comme vous voulez. ER. Quand on l'accorde. Dans la phrase, c'est ER. Eh, moi, je l'ai accordé, j'ai ça vous pose bon, un problème. Moi aussi, je l'ai accordé. On sait qu'il va être premier de la classe. Bah, c'est forcément j'ai un point. Moi. Bah, moi, j'ai un doute perso. Hein, moi aussi. Mais du coup, vous j'ai avez tous eu bon, je crois. Hein. Parce que ma grand-mère, oui, elle avait gagné un concours d'orthographe. Qui a pas eu bon? Bah, 72. Je sais pas, il y a forcément quelqu'un qui s'est bourré, non? Eh ben non, pas cette fois. Ah bah, dis donc. Non, c'est vrai, monsieur? Eh ben oui. Alors, quatrième. Tu crois vraiment que c'est un endroit approprié pour ton curcubitacé? Je suppose que le mot écrit est curcubitacé. Ton cul, tu supposes bien. Ton cul curcubitacé. Exactement, quelle belle musique. Vous avez une bonne culture, mon petit. Merci, monsieur. Curcubitacé. Qu'est-ce qu'un curcubitacé? Au hasard, au fond, là-bas, comment tu t'appelles, Like? Moi. Oh, oui, Paul. Moi, c'est une coquille. C'est un crustacé. C'est genre un escargot. C'est un légume. Un escargot. Ah non, c'est un légume. C'est un cube. Oui, c'est un légume. C'est une famille de légumes. Comme un butternut. Comme un butternut, effectivement. J'ai un point pas. Comme un haricot vert. Est-ce que j'ai un point, monsieur? Alors, cucurbitacé, ça c'est écrit. C-U-R-C-U-B-I-T-A-C. C'est bon. Yes. Yes. Oui. C'est assez simple d'écrire. Je vois pas l'ardoise des pabots là-bas. Curcubit. Pourquoi ouais, il a mis un CCD? Il y a un CCD. C'est cucurbitacé ou curcubitacé? Curcubitacé. Curcu. Et pas cucur. Et pas cucur. Il a marqué cucur, bitacé. Et ensuite il y a bit et il y a assez. Qui a écrit cucur? Ah vraiment? Ah mon pauvre. J'ai marqué cucur. C'est dommage. C'était bien parti. Ça peut arriver. J'ai un point, monsieur. Moi aussi j'ai un point. Moi aussi, monsieur. Pour l'instant ça va, vous parlez plutôt bien la France. Moi aussi. On écrit bien la France. Oui, c'est vrai. Il me semble, oui. Ma gueule de bois ferait passer Pinocchio pour un vrai petit garçon. Non, Pinocchio. Ouais, ça c'était hier soir, j'étais un peu déchiré quand je l'ai écrit. Oui, vous écrivez Pinocchio. Pourquoi s'il vous plaît. Étiez déchiré, monsieur? Parce qu'on vous a recollé. Parce que j'avais un autre date. Ouais, je vois pas le rapport. Déchiré. Vous voyez votre feuille de papier là? Ouais. Bah oui. Ah oui, voilà, c'est ça le problème. Ça, je vous imagine pas trop. C'est impossible que tu connaisses ce mot. Si, je connais. Bah vous savez quoi? Vous le connaissez effectivement, mademoiselle. Nous avons Paul qui l'a mal écrit. Nous avons. Oh, j'en ai marre, hein. Nous avons. Comment vous appelez-vous, jeune? Sam les casse. Et vous, Sam, les moches? Sam les casse. Non, mais un peu de respect. Comment ça vous les casse? Un moins, un point. Il y a deux C. Quoi? Vous l'avez mal écrit. Alexis, c'est ça? Alex, monsieur. Ah, un seul C? Non, j'ai mis deux, j'en ai rajouté un. Il se fout de ma gueule. Avant ou après? Avant ou après? Avant le H. Mais il y a. J'en ai mis deux. Pinocchio. Ouais, d'accord. Alors, ça s'écrit P-I-N-O-2-C-H-I-O. Ouais. Non, il n'y a pas de 2, c'est C-C. Bah, c'est C, ça fait 2-C. Hein. Non, t'as dit 2. Il n'y a pas de 2. Parce que 2 fois la lettre C, mademoiselle. Moins un point. Voilà. Ah, hop là. Ça fait la baline, hein. Alors, du coup, nous avons. Alors, il y a eu du faux par ici. Non, j'ai eu bon. Ouais, corrigé après. Mais non. Si c'est toi qui non, non, mais j'ai eu bon. Mademoiselle. J'étais la première à écrire. On a eu bon toutes les deux. Elle avait oublié un C. Non, je crois pas. J'étais la première à l'avoir levé. On était les deux premières. Ah non. Alors, pas sinon, professeur, moi j'ai vu, elles ont toutes faux toutes les deux. Oh, moi je suis dyslexique, des fois j'oublie. Bien joué, bien joué. Non, mais par contre, j'ai vraiment bon là. Hein. Du coup, nous avons. Alors, monsieur, j'ai une phrase pour vous. Oui, mais vous avez faux. Oui, je sais. C'est quoi votre phrase? La grand-mère voulait se défenestrer, mais le kéol et le collant, le collant. Lui plaisir avec le cucurbitacé de Pinocchio. Et la lecture, c'est pas acquis pour tout le monde, monsieur le professeur. Hein. Ouais, c'est juste l'écriture. Il y en a qui ont du mal. Encore, moi, je suis assez doué. Vous savez, je suis dyslexique. Les deux moches derrière, ils ont eu bon. Ouais, c'est ce que je voulais savoir. Vous avez bien un point. Quoi? J'ai un point. Ouais, mais vous en avez perdu un, donc ça revient au même. Monsieur, je peux avoir un point? Je suis le seul noir. Ça compte pas. Hein. Alors, ça compte pas. On me l'avait jamais fait, celle-là. Je suis le seul métis, monsieur. Vous êtes pas raciste, monsieur. S'il vous plaît, je suis de la discrimination positive. Alors, on va faire ça autrement. Si vous avez bon, vous aurez peut-être un double point si vous trouvez la bonne question. Yes. Quelle est la question bonus? Mais quoi? Parce que déjà, je trouve que quand on joue à cache-cache, il gagne tout le temps. Ouais. C'est nul. Non, mais c'est sympa. Attendez, je vais la refaire parce que je me suis mal exprimé. Quelle est la question bonus? Eh ben, il n'y a pas de question bonus. Si, il va y en avoir une, mais il la connaît pas encore. Si vous la trouvez, vous aurez un point. Allez, je suis gentil. Mais comment on peut savoir? C'est pas difficile, hein. Ouais. Ah, moi, je trouve que c'est difficile. Mais non, mais on peut pas savoir, monsieur. Voilà. Donc maintenant, je continue. Alors. Ouais, on l'a déjà parlé de la cantine, on est d'accord. Ma gueule de bois, ouais, ça c'était défoncé, hein, clairement. Je suis parti frais comme un gardon. C'est toujours hier, hein, on est d'accord. Je suis rentré fumé comme un saumon. Monsieur, je suppose que le mot à trouver c'est gardon. Non, exactement. C'est... Ah, oui. Ouais, non, c'est gardon. Bah, je sais pas. Comment on écrit gardon? Le poisson, évidemment. Ah, c'est pas gardon les enfants? Non, c'est pas gardon les enfants. Ouais. Ah. Ouais, attention, il y a un piège, hein. Je sais pas, monsieur. Ouais. Ah, il y a un piège. Ouais. Ça s'écrit. Il y a U. Je pense qu'il y a pas de piège. Comme ça se prononce effectivement. C'était ça le piège. Donc vous avez tous eu un point. Ah, comme je suis gentil. Hein. Chouette. Heureusement que je vous fais des trucs faciles des fois. Très gentil, monsieur. Est-ce que. C'est qui a dit ça? C'est moi. Ah, merci. Il est beau. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai un date après, je vous l'ai dit. Alors. Ah, c'est pour ça que vous êtes bien habillé, monsieur. Je suis toujours bien habillé. Je pense qu'il est toujours bien habillé. Bien ça sûr. Se voit, il a la classe. Attention, hein, vous allez perdre un point. Ah, ok. Hystérique. Ah. Et le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à toi. Je sais pas ce que le mot est hystérique. Hein. Ouais, bah c'est... Non, mais c'est la fille d'hier. Non seulement elle t'est défoncée, mais en plus elle t'est hystérique. Et oui, c'est le mot à écrire. Vous avez pas prolongé le date, monsieur? Bah, comme je l'ai dit, hein, je suis rentré fumé comme un saumon. Je m'en rappelle plus vraiment de tout. Voilà. Ah, ok. Ça se trouve, monsieur, vous avez terminé dans son lit. Hein. Mais non. Moi, je pense qu'il y a un H. Hein. Non. Si. Non. Oh, ah si, je pense si. Hein. Alors, attendez. Il invente des orthographes. Il y en a qui ont écrit hystérique là-bas, je crois. Ah non, c'est un I. Non, c'est un I, c'est un I. Ouais, ouais, mais c'est un Y de toute façon. Allez, vous avez faux, dégagez les moches. Attends, c'est un I là? Non, c'est un Y. Un hystérique, hystérique. Ouais, c'est bon. Alors, c'est H-Y-S-T-E-R-I-Q-U-E. Yes! Tu l'as modifié, toi? Non. Ouais? Non, j'avais fait une faute. Je me suis juste corrigé, monsieur. Ouais, heureusement que j'avais pas de la bonne réponse. Attention, la prochaine fois, je sévire. Alors, j'ai un point. Attention, levez la main, ce combo. C'est la bonne réponse. Gardez la main levée, hein, j'ai pas fini de compter. Paul? Non, il peut pas. C'est que mon père, il fait tout le temps des saluts nazis. Oh ah, ok. Y a pas une de vous deux qui avait écrit un I? Non. Ouais. Ah, oh, c'était nous deux. C'est les gars derrière. Non, mais pourquoi? C'est les monsieur derrière. C'est dingue. Monsieur, c'est, moi, c'est... C'est les deux enfants derrière, les deux punis. Les deux punis? Ouais, ils sont pas beaux. Les deux au fond de la classe. J'ai un écrit, monsieur. Est-ce que je peux descendre parce que j'ai mal au bras? Ouais. Non, essayez de descendre dans le bras, monsieur. Si voilà, vous voulez. C'est bon, vous pouvez baisser le bras. Super. Merci beaucoup. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas, les enfants. Oui, ah, leur approche. J'aime bien, moi. Alors, l'ornithorynque. Oh. Et de loin, le plus proche de tes cousins. Ok. Est-ce qu'on marque ornithorynque ou l'ornithorynque? Bah non, c'est cousin le mot. Non, je déconne, c'est ornithorynque. L'or et t'es pas obligé d'écrire le L apostrophe. Ornithorynque. Si tu m'écris l'ornithorynque en un seul mot, ornithorynque, un animal particulier, un des seuls mammifères à pondre des œufs. C'était ce que j'allais dire, monsieur. Et il nage en plus. Ah oui, il a un dard empoisonné aussi pour les mâles. Les femelles, je sais plus s'ils en ont, mais bon. J'en ai aucune idée. Mmh. Attendez, monsieur le professeur, j'ai pas. Sur ma DS, j'avais un ornithorynque à élever. Ouais, moi aussi j'en avais. Comment ça, vous avez des ornithorynques? Ouais, j'avais un chat sur mon. Un jeu sur Nintendo DS. Alors, je crois que j'ai pas beaucoup de bonnes réponses dans le sens où il y a Y dedans. Il y a Y, c'est le deuxième I. C'est un Y. Donc, nous avons que les deux filles qui ont un Y. Et Paul qui a aussi un Y. J'ai triché. Il a triché, monsieur. Je suis honnête. Alors, si vous êtes honnête, je vous mets un point. Yes! Bah moi aussi je suis honnête, monsieur, je suis mauvais. Non mais s'il vous plaît. Oui, mais moi aussi je me suis trompé, monsieur. Excusez-moi. Vous pouvez me mettre un point. Excusez-moi. Pour la participation. Quoi? Excusez-moi. Oui. Il y a un couillon derrière qui a marqué orthorynque. Ça je lui dis même pas. Attends. On a deux beaux là. J'ai orthorynque et j'ai ornithorynx. Ah, ok. Ah, ça c'est chez les Gaulois. Monsieur, ils sont bons. Elle a dit un gros mot, ça mériterait une heure de colle quand même. Non. J'ai pas le temps de faire des heures de colle. Vous croyez que je vais pas attendre une heure pour vous? Non. Tant que c'est dans le dictionnaire, monsieur. Ah, mais monsieur, vous l'envoyez en permanence. Fanny, elle a dit quoi? La flemme. Ok. Ouais, c'est vrai que vous êtes plutôt nul à côté, hein, franchement. Alors, dernière question. Et il va y avoir évidemment la question bonus dans cette. Ah, vrai, je crois que j'ai eu tout bon, moi. Je sais pas ce qui lui ferait plaisir. Une souris électrique ou un ptérodactyle? Un ptérodactyle, alors, le mot, monsieur. Le mot à écrire est ptérodactyle. Vous pouvez pas, ça pourrait pas être une souris, monsieur. Et je vais vous demander aussi d'écrire sur votre ardoise qui est la fameuse. Vous le dites pas à l'oral, hein. Qui est la fameuse souris électrique dont je parle? Donc vous écrivez qui est la souris électrique et vous m'écrivez le mot ptérodactyle. J'ai pas compris, monsieur. Non, mais c'est... J'ai pas compris la question. La souris électrique fait référence à quelque chose. Est-ce que vous pouvez répéter la phrase? À vous de savoir à quoi. La souris électrique? Je sais pas ce qui lui ferait plaisir. Attendez, je répète la phrase. Ah, j'ai compris. Je sais pas ce qui lui ferait plaisir, une souris électrique ou un ptérodactyle. La souris électrique fait référence à quelque chose. À vous de trouver quoi. Écrivez-moi le mot ptérodactyle. C'est bon. Je sais pas ce qu'il Moi j'ai plus de stylo donc je le dirai à l'oral. Moi aussi, bah... Non mais j'ai pu écrire mais... Vous avez un pot au milieu de la classe je crois. Il y a plus de stylo monsieur. Il y a un pot au milieu de la classe. Il y a plus de stylo dedans. Comment ça il y a plus de stylo? Piquez le stylo de votre voisin, débrouillez-vous monsieur. Ah. Ah merde. Alors... Bon, on dit ptérodactyle, hein. Attendez, monsieur, on n'a pas fini. Ptéro. Mais, non, mais si, c'est non. Tu as raison, c'est un P devant. Non. Alors, nous avons ça. Souris Galda. Pas mal. Pourquoi tu effaces un mot? Parce que là-haut, il y a mon truc de souris. Oui. Mais vous pouvez l'écrire. Bah, il est là-haut. Un god monsieur. Bah, ouais, j'ai mis un god. Égal vous. Personne n'a compris la référence à la souris. Non. Bah, un god. Je sais pas, moi. Quoi? Attendez, vous connaissez pas la souris électrique la plus célèbre au monde? Mickey. Mais c'est... Elle est pas électrique, cette souris-là. Il y a des souris qui sont électriques. Oui, dans le fond. C'est un hérisson. Raté. Ah, ok. Retournez au cours des SVT. Mais vous êtes pas loin, quand même. Ça reste... Thierry. Non, c'est Pikachu. Ah, c'est une souris. Mais oui, c'est une souris électrique. Vous savez que c'est un lapin. C'est une souris. Quoi? On sait pas trop à quoi ça ressemble, un Pikachu, si je puis me permettre, parce qu'une souris jaune, déjà... Pas. Allez voir dans la définition du Pokédex, monsieur Alexis, c'est Alex, une souris électrique. Alex. Comment vous... A-L-E-X. Du coup, monsieur, est-ce que c'est bon pour le mot ou pas? Alors, ptérodactyle. Un point pour l'orthographe. Alors déjà, ptérodactyle, il y a un P devant. Oui. Donc ça élimine, hop, ça non, élimine. Non, pas moi. Attendez, c'est ptérodactyle ou pérodactyle? Ptérodactyle. Vous avez pas dit ptérodactyle. C'est pété au début. Il se prononce pas forcément super bien le P. Ptérodactyle. Alors, ptérodactyle. Madame, vous pouvez baisser votre ardoise, c'est un Y. Moi j'ai mis un pété. Adèle. Monsieur, je crois que j'ai... Pourquoi vous avez baissé votre ardoise? Parce que j'ai mis un T. Ah oui, oui, vous étiez déjà éliminé. Ptérodactyle. Ça m'a l'air pas mal ça. Oui, vous avez le point, Sam. Oui. Ah, je suis dégoûté pour le Y. Dans le fond, on est d'accord. Vous avez déjà faux. Ouais. De toute façon, le fond de la classe, en principe, ils ont toujours faux, hein, monsieur. Ils me semblent que c'était exprès. Ils s'en sortent pas si mal, ils ont eu 4 points. Mais bon. Quoi? Ça, on verra ça plus tard. J'ai vraiment pas le temps. Allez hop, partez. Ça a pas sonné, mais c'est pas grave. Question bonus. C'était dans la question. Ah oui. C'était pas un god du coup. Non, c'était Pikachu qui s'est voulu. Ah, ok. Au revoir, monsieur. Alex. Oui. Tu peux filer ton cours de français, s'il te plaît, parce que là, il a été trop vite à la fin, j'ai rien compris. Bah non, mais tu vas rien comprendre parce que, en fait, moi, tu sais, j'écris tout en speed, mais après, je renote sur l'ordi, si tu veux, je te l'envoie après. Ouais, mais je peux pas, c'est galère parce que les gars, ils sont venus pour la FIP, ça fait la 3ème fois qu'ils viennent et ils ont toujours pas réussi à le réparer. Bah, je sais pas, t'es chez qui? Bah, chez Free. Je peux te dire, ils ont pas tout compris, hein. Tu m'écoutes? Ouais. Non, mais c'est parce que j'écoute Anna Free, elle a tout compris. En fait, tu sais, quand elle a fait la reprise de Waka Waka, et ben, genre, elle a fait la reprise, tu vois, sur YouTube. Et après, elle a été invitée par Shakira pour faire sa première partie. Ça c'est la classe, hein. Ah ouais, j'avoue. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off, get back in the saddle. You're in the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh-oh. Get up, eh. Tamina mina zangalewa. This time for Africa. Tamina mina, eh. Waka waka, eh. Tamina mina zangalewa. Cause this is Africa. Tamina mina, eh. Waka waka, eh. Tamina mina zangalewa. Cause this is Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. No hesitations. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. You get down, get up, oh, oh. Get down, get up, eh, eh. Tamina mina zangalewa. Cause this is Africa. Tamina mina, eh, eh. Waka waka, eh, eh. Tamina mina zangalewa. Cause this is Africa. Tamina mina, eh, eh. Waka waka, eh, eh. Tamina mina zangalewa. waka waka, Tamina mina zangalela. This time for Africa. Tamina mina, waka waka, Tamina mina zangalela. This time for Africa. It's time for Africa. It's time for Africa. La classe, c'est sur Indestar jusqu'à 21h. Comment on fait trop d'heures sup ce soir? Amusez! Oh oui, enfin bon, on n'est pas payé pour les heures sup, c'est pas grave. Hein. On adore la musique. Pour une fois, j'aime beaucoup Anafri. Ah, bah, pour une fois, j'aime beaucoup Anafri. Tu rigoles ou quoi? Moi, c'est vrai que cette musique a été bien quand même. Je ne saurais même pas te dire qu'est-ce qu'elle chante, Anafri, déjà. Elle chante tout, Anafri. C'est ça le truc. Tu demandes quelque chose, paf. Non, même pas si elle l'a fait. Pas du tout. Pas du tout, elle chante tout, Anafri. Des originales, des rôles. Mais de toute façon, tu la kiffes, toi. Bah oui, alors, et alors voilà. T'as un problème avec Anafri, moi, je te le dis. C'est pas un problème. C'est sa chanteuse préférée. Et alors? Tu as dit qu'elle est trop bonne. Je suis sûr, il a que ça dans sa playlist. Non, pas que, mais j'ai beaucoup d'Anafri, effectivement. Et bah, comme vous l'avez entendu, je pense que c'est un qu'on le dise. Mais on le dit quand même par principe, hein. Mm-hmm. Vous êtes sur Indestar. Tout à fait. Ce soir, c'est la classe jusqu'à 21h. Pas d'heure. Jusqu'à tard. Jusqu'à pas d'heure. Peut-être après. Peut-être ouais. Qu'on fera des heures sup comme le disait le jingle. C'est cela. Et là, on va partir en cours d'art plastique. Ah ouais. Ouais. Qui était bon en art plastique? Moi. Moi aussi. Tu sais, je peux dire une anecdote super vraie? Non. Mais de toute façon, t'as pas le choix, c'est moi qui. Alors pourquoi tu demandes alors? Genre, tu vois, en art plastique, c'était en 3ème, je crois, on devait faire genre un. Mais bah, dépêche-toi! Les meilleurs étaient dans un livre de je sais pas qui, etc. Uh-huh. Et j'ai reçu un message de ma prof sur Facebook, et ça faisait partie. J'ai jamais eu le livre, je ne sais pas quel c'est, s'il y a vraiment mon dessin dedans, mais normalement, c'était prévu. D'accord, ça veut dire que t'as eu une bonne note. Et là, qui s'en bat les couilles? Bah, je sais, mais en vrai, pas tant que ça, je pense. Allez, merci! Est-ce que vous voulez que je vous dise une de mes notes d'art plastique? Mais tu crois que c'est non. Mieux ça? Non, on s'en fout. On va peut-être pas faire le tour non plus, hein. Après, en art plastique, ça va, j'ai une bonne moyenne. Attends, on dirait à la cour de récré, quoi. Ça sera pas. On est un peu dans la cour de récré, là, pour l'instant. Et du coup, combien? 19? 20? 17, 52 moyenne. Ça va. Oh, petit joueur. Mais c'est l'art plastique en même temps. Moi aussi, j'aurais eu le message sur Facebook s'il y avait eu Facebook. Il y a 5 de moyenne en art plastique. Personne. Non. Si, si, si. Derrière, on a Twatwan. J'ai fait me faire prendre 2 heures de colossi en art plastique. Ah, pourquoi? Parce que ton dessin était tellement mauvais. Juste une anecdote rapide. Oui, moi, j'avais un prof, il s'appelait Monsieur Larose. Larose? Il était fort, fort joli. Donc on dessinait bien pour lui, on l'aimait beaucoup. Ah, voilà. Ouais, c'était Monsieur Rouleau et c'est en cool art plastique que... c'était top. C'est cool parce que du coup il devait sentir bon, tu vois. La rose. Non, il était beau surtout. Et tu vois, dans le sud, nous ça aurait été Monsieur La Rose, mais dans le sud c'était Monsieur La Rase. Pardon, excusez-moi. Ah, non, mais c'est vrai. La Rase. T'étais dans le sud, on est d'accord. Et oui, c'est vrai, c'est ça. C'était La Rase, ouais, évidemment. Un peu cher. Donc, cours d'art plastique, est-ce que nos élèves sont prêts? Bah, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut avoir des bonnes moyennes? Je ne sais pas non plus. Je crois que c'est au rez-de-chaussée, l'art plastique. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous êtes très bien, madame. Madame. Merci, Alex. Et je vous êtes graphiquement optimisée, hein. Oui. Madame, c'est moi qui ai dit ça, c'est pas Alex. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Sortez votre feuille, etc. Je me présente. Je suis votre professeur d'art plastique, madame Michel Ange. Donc, madame Ange. Ça me dit quelque appelez-moi chose. Appelez-moi madame. Donc, aujourd'hui, rien de compliqué. Je vais vous demander de dessiner. Comment vous voyez le monde dans 15 ans? Ok, Michel. Donc, laissez. Est-ce que. S'il vous plaît, un peu le monde existera toujours, respect, madame, dans 15 ans, parce que vous savez, avec les guerres. Stop. Mais franchement, laissez parler votre imagination, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, parle pas trop mon imagination. Allez, c'est pareil, c'est pareil. On doit faire quoi, madame? C'est pareil. Elle est elle a des bugs à répétition. Elle est autant elle est graphiquement optimisée, autant elle est buggée. Au travail, Alex. Oui. Ok. Alors, je vais dans 15 ans. Ah, genre. Alex, tu feras attention sur ta feuille. Il y a un petit truc. Ah. Oh non. Oh là là. Pas de panique. Bah non. Ne prenez pas votre sac, prenez votre manteau. On va descendre par la sortie de secours. Ça veut dire qu'il y a le feu, madame? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a vraiment le feu? Il y a une alarme incendie, à nous de voir après par la suite. On va peut-être descendre. Suivez-moi. On passe par les escaliers de secours. La. Je panique. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment beaucoup le feu. Allez-y, là. Attendez là-bas, à côté de l'arbre. Arrêtez de pousser. On peut fumer une clope en attendant ou pas? En sixième. On a fumé. Merde. Il me semble que c'est interdit par la loi. Attendez, on attend que l'alarme s'arrête. Là, genre, ça s'arrête pas vraiment. Par contre, ça fait mal aux oreilles, je trouve. Ouais. Il pourrait mettre une autre alarme, genre un truc plus gentil. C'est une alarme, il faut que ce soit prenant. Allez, je trouve, ouais, c'est bien. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la s'il vous plaît. Il y a toujours la lame. On peut retourner en cours. Allez-y, montez. Bon. On monte par le bâtiment B. Allez-y, suivez-moi. Le B12. Ok. Allez-y, asseyez-vous maintenant. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Moi, je pensais qu'on allait avoir plus de temps pour parler. C'était une fausse alerte. Ah bon. Donc, ah tant ok, mieux, c'est un exercice, c'est ça, madame. Exactement. Parce oh, que dommage. Et ça aurait été des dommage. Des fois, on est prévenu en avance, des fois pas. Écoutez, ma foi. Ma foi. On n'était pas. Là, on n'était pas. Hein. Ça m'aurait étonné qu'on le soit. Et continuez votre dessin. Ah bah oui, c'est enfants, vrai, le monde en... Faire... Allez, ah oui, c'est parti. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui, de... non, merde. Faut vraiment faire le dessin? Bah oui, faut me faire un dessin. Comment vous voyez votre monde dans 15 ans? C'est pas possible. Bon bah c'est pas grave. Il vous a été court le cours quand même. Hein. Vous donnerez votre feuille à votre prochain professeur, je le noterai dans la foulée. Et madame, bon. Est-ce que vous serez indulgente? Non. Ok. J'ai fini, moi, madame. D'accord. Moi aussi, j'ai fini. Tenez. C'est un rapide. Ma la la la la. Les gars, je vous laisse. Je crois que je suis convoquée chez le CPE. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'elle a fait encore? Mais qu'est-ce que t'as fait? Ça me regarde pas. Oui, entrez. Oui. Mademoiselle Adèle. Oui. Entrez, je vous prie. Asseyez-vous. Merci. Non, votre prénom, c'est... Votre nom, c'est Madame Auger, c'est ça, hein? L'Auger. Ouais. Un moins deux points. Je suis le CPE, mademoiselle, asseyez-vous et taisez-vous. Je vous ai convoqué, c'est pas pour rigoler. Je vais vous appeler Adèle, de toute façon, ce sera plus simple. Ouais, allez-y. Alors, Adèle. On est intime maintenant, oui? Alors, oui, je pense qu'on va devenir intime si vous faites des conneries de ce genre. Je vais continuer. Adèle, je vous ai convoqué parce que j'ai eu vent d'un de vos exploits. Apparemment, vous avez forcé un de vos collègues de SECPA à déclencher l'alarme incendie. Du coup, j'aimerais entendre votre version des faits. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Attention, il y a peut-être une sanction qui est en cours. J'ai quatre raisons. Quoi? J'ai quatre raisons pourquoi j'ai fait ceci. D'accord. Première raison, c'est un SECPA. Ça comprend rien, tu lui dis d'appuyer là, il appuie là. Mon grand frère qui vient de SECPA, il était pareil, hein. Tu disais quelque chose, il faisait ça, donc je me suis dit, bah c'est... Je voulais voir. Raison numéro 2. Oui. Vérification du matériel. Important d'avoir une alarme incendie qui fonctionne. Je suis dans un lycée... On est dans un collège. Oui, madame. Bien sûr. Oui, mais alors, je comprends votre point de vue, vous avez tout à fait raison. Vérifier le matériel est très important. Par contre, il y a des autorités compétentes qui servent à ça. Tous les ans, il y a des gens de la sécurité incendiaire qui viennent pour vérifier les extincteurs, l'alarme incendie et tout ça. Donc allez-y, continuez, je vous écoute. Troisième raison. Le cours était chiant. Excusez-moi, mais le « Comment vous voyez la vie dans 15 ans ?» Qu'est-ce que j'en sais, j'en ai que 10. Alors, c'était dans quel cours, ça? Art plastique. Avec Madame... Art plastique. Ange, madame Ange. Ah ouais, vous avez raison, elle est chiante celle-là. Ouais, ouais. Bon, ok, allez-y, continuez. Attendez, j'ai perdu ma raison numéro 4. C'est que c'était un pari et il m'a balancé, sale bâtard. Un pari? Oui. Alors, vous avez fait un pari avec quelqu'un pour déclencher l'alarme incendie? Oui, c'est le bâtard qui m'a balancé. Alors, vous avez perdu un pari du coup, c'était de déclencher l'alarme, on est d'accord. Et du coup, j'ai perdu 5 balles. Alors. Et 5 euros de nos jours, ça coûte cher! C'est vous très avez perdu cher. Mais non, vous avez gagné. Ah non, mais du coup, non, j'ai gagné. Allez le voir, sale bâtard, il m'a filé mon fric. Alors, qui est-ce qui vous doit 5 euros? Ça, je vais pas vous le dire. Ah bah si, vous allez me le dire. Mm-mm. Ça peut peut-être réduire votre peine. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Vraiment? Mm-mm. Alors, attendez. Mademoiselle Adèle, vous savez que vous risquez l'exclusion quand même. Mm-mm. Ouais. Alors, moi, mais de toute façon, vu ma moyenne, je ne risque rien. Ce que je vous conseille, alors votre moyenne n'est pas si dégueulasse que ça pour le moment. De ce que j'ai vu de vos notes, ça va. C'est assez bien. Mais on a eu qu'un cours. Ce que je vous propose, Adèle. Ce que je vous propose. Oui. Je n'ai pas mangé ce midi. Vous voulez manger? Il y a un kebab pas loin. Ah, donc les 5 euros, vous me les donnez. Vous allez avoir quelques heures de colle. Et on n'en parle plus. Ok, marché conclu. Et vous me balancez le nom de votre camarade aussi.

Dorothée, ça. On dirait Dorothée, ouais. C'est carrément Dorothée. Non, mais je dis ça parce que... Non, mais j'ai le titre. Oh, putain. Un peu de synthétiseur. Ouais, bah c'est bon, hein, on a... C'est bon, c'est bon. Coupe. Encore un peu de synthétiseur. Merci beaucoup. Ça dure 23 secondes, bon, je laisse. On est toujours dans la classe, hein. On, oui. On veut pas de synthétiseur, hein. C'est bon. On veut toujours pas de ça. Non, on veut des notes, on veut des choses, de musique, on veut des trucs. Et justement, la musique d'avant, c'était un remix Squad. Un remix Squad. Bah c'est le remix en question. Ah, ah oui d'accord. Le As remise. It Was. As It Was avec en bootleg avec déjà vu. Amélie sort de ce corps. C'était déjà un bootleg vu, je dirais. Déjà vu. Ouais. Ça, bah il y a marqué remix hein. C'est toi qui as mal fait ton travail. C'est pas marqué. Non c'est non, Remix c'est... Squad c'est le nom de du bootlegger. C'est le nom c'est du groupe non. Allez. C'est pas le nom du groupe qui a fait le remix. C'est le nom du groupe qui a fait le remix, ouais, c'est ça. Okay. Et bien sûr, fait le bootleg. Avec le CPE, on voulait s'excuser, hein. On adore les SECPA, on n'est pas contre les SECPA, voilà, c'était de l'humour. Parce qu'on les doit gars. Être pour ou contre. On se détend, non mais voilà, on vous aime. Voilà, on vous aime. Ouais, bah t'as pas le choix, hein. T'as un frère, je rappelle. Ah, mais oui, arrive. De toute façon, en plus, on risque peut-être de les avoir en studio à un moment donné. Pourquoi on risque Oh merde. On aura c'est la vrai, chance c'est pas un risque. De les avoir en studio. Ouais. Bah, oui. Ils vont expliquer peut-être leur projet. Bah, au pire, on va leur mettre l'alarme quand ils seront là. On va mettre l'alarme en route. Allez, tout le monde dehors. S'il y en a un qui allume l'alarme, ça sera de ta faute. J'ai envie de chercher par la peau du cul. Hein. Mais voilà, c'était de l'humour. Ne prenez pas ça au premier degré. Hein. On est sur Indestar. Hein. Voilà. On aime juste tacler Antoine, c'est tout. Voilà. Il faudrait arrêter de tacler. Et Nico aussi. Ce sera un carton rouge. Hein. Carton rouge, ouais. Il y a Nico aussi. Bah, on a pris des cartons jaunes. Oui, mais par contre, un truc qui est bien, c'est que pas. C'est que les profs, elles sont super jeunes. Mais quoi, les profs de SECPA sont plus jeunes que les autres? Moi j'avais une prof d'histoire au collège. Elle était bonne, maman. Elle était bonne. On va s'y voir là. Et bah d'ailleurs, en parlant de ça, on va partir en histoire, les gars. Parce que là, vous partez un peu partout, la récré, c'est terminé. Bah oui, c'est clair. Il faudrait peut-être qu'on ait en cours à un moment. Bah c'est ça. On a cours d'histoire, allez. Entre tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir. Oh monsieur, bonjour. Mais vous avez une voix terriblement. C'est Rocky. Non, rock'n'roll. Vous avez une voix rock'n'roll, je terriblement trouve. Masculine. Vous êtes sûr que vous allez bien monsieur? Non mais c'est normal, c'est la cigarette. Ah ok. Ah oui. Je vais peut-être si arrêter. Vous me faites penser à un chanteur un petit peu qui aurait du succès monsieur. Renaud, c'est ça? Non, lui c'est l'alcool. Bonjour monsieur, on s'assoit. Oui, bien sûr. Oui, essayez, ok. D'accord. On va faire quoi en histoire cette année monsieur? Là c'est la Seconde Guerre mondiale. On va historier. C'est après la Première Guerre mondiale monsieur et ça fait plein de morts. Bien après. Hein. Non mais attendez, vous racontez des conneries monsieur. 1939 à 1945. Moi mon papa il m'a dit qu'il n'y a pas de guerre mondiale. Hein. C'est une fake news que vous dites. Mais non, t'as rien suivi toi. Bah non, tu sais qu'il y a eu des morts et on les commémore chaque année. Voilà. C'est Rocky, hein. C'est... Non, comment il s'appelle? C'est Rambo. Arrêtez de le perturber là! Vous voyez pas qu'il est déjà pas bien? Je crois qu'il a juste été fermé. C'est pas ma guerre! Excusez-moi, je m'emporte assez facilement. Ah, mais je comprends monsieur, rien en plus monsieur. De ce qu'il dit, on fait comment? 40 ans de sabagisme. Eh, monsieur! Est-ce que vous pouvez avoir votre voix un compliqué. Peu moins grave? Non, c'est le minimum là! Mais je comprends monsieur. Rien! En fait, j'ai monsieur, compris, monsieur. C'est soit tout grave ou soit tout aigu! Oui, c'est ça! Voilà, allez-y, tout aigu! Ok, et tout monsieur! Aigu. Tout aigu. Monsieur, monsieur! Vous êtes censé, vous voulez vraiment que ce soit comme ça? Non, parce non, que non, non, non, mais grave, c'est très bien, non, monsieur! Grave, c'est beaucoup plus sexy, mais monsieur! Mais non, mais je comprends rien! Ça moi. Fait beaucoup plus viril! Bah, allez, on commence! Vous préférez grave ou aigu? Aigu! Bariton! Bariton! Aigu! Levez la main pour aigu! Mais c'est pas grave, allez, on y va! Grave! Faites bariton, monsieur! Je suis délégué, monsieur, je décide que vous parliez grave! Bon, alors! Et monsieur le délégué, vous pouvez dire bariton, c'est très bien aussi! Parlez grave! Toujours les tons! Monsieur! Quand débute la Seconde Guerre mondiale! 1939! Mais il faut le marquer sur une feuille! Ah mince! Non, non, c'est une question bonus! 1939! Non, non, c'est là-bas là! 1939! Alors, je peux vous expliquer moi comment ça commence? Ça commence mal! Ouais, ça commence mal! Bah, du coup, c'est qui qui a j'ai jamais là, vu de guerre qui commençait c'est bien! Pas, c'est ouais. Mais je l'ai dit en première! Non, non, c'est là-bas, ça l'a dit! Non, j'ai dit, mais il l'a dit avant même que la question commence! Je l'ai noté! Et puis d'ailleurs, vous avez pas précisé, nous on a marqué! Hein. Faut lever la main! Oui! Faut préciser, monsieur, moi j'ai tout le monde à point. Du coup, monsieur, c'est alors, qui a le point? En septembre 1939, monsieur. Moi aussi, j'ai le point. Ouais, tout le monde a un point. C'est gratuit. Il y a un Autrichien qui s'est fait fumer après. Ouais. Oui. Oh, on négocie nos points, quoi, c'est rigolo. Il s'est pas fait fumer en Italie d'ailleurs. Non, en Autriche. Non, par un Italien, pardon. Oui. Ah, peut-être. Ouais. En Autriche. Oui, question par suivante. Un Italien. Alors, quelle est la question suivante, monsieur? Alors, ça commence par l'Allemagne qui envahit la Pologne en 1939. Ouais. Bah, votre vous. Alors, d'après vous, c'est quel jour et quel mois? Ah. Il y a septembre. Et si vous écrivez sur l'adresse. Ouais. Est-ce qu'on a, on a le droit à des et pour le jour et le mois, je donne 2 points. Et après, c'est 1 point si vous avez le mois. Ah. D'accord. Bah oui, mais sur une année, t'as 31 chances. Enfin, sur un jour, bref. Excusez-moi, c'est ça. On a une chance sur 30, hein. Vous savez. Ah, ça dépend du mois, 31. Il me semble que c'est le 13. Moi, je pense que c'est le 1er septembre 1939, monsieur. Il me semble que c'est le 13, monsieur. 13 septembre, monsieur. Moi, le 1er. Non, j'ai mis le double. Et il me semble qu'on est d'accord, hein. Le jeudi mai, l'ami. Il y a du 26, il y a du 13. C'est un jeudi mai. Le jeudi mai, mais n'a pas rien dire. Alors c'était le 1er septembre. Ouais. Non. Mais j'ai la bonne réponse. Ouais, mais on a quand même 1 point pour ceux qui ont mis septembre. Ouais, mais moi j'ai 2 points. Septembre. Septembre. Septembre. Septembre. Moi j'ai 2 points, monsieur. J'ai compris, bordel. Moi j'ai 2 points. Non, attendez, levez la main ceux qui ont pas mis septembre au final. Il y en a un. Ah ouais, il y a un garçon. Moi j'ai 2, hein. Ah bah c'est celui au fond de la classe, hein, faut pas chercher. Alex, tu attends, on est à 0 point là. Bah non, moi j'ai 2. Tu attends qu'il y arrive. Attends. Sinon t'en enlèves un. Un point. Ouais, un non, point. Mais c'est bon, ça fait pour toi. J'ai un point s'il te plaît. C'est bon, un je point. Peux continuer mon cours. Oui. Non. Monsieur, j'aime pas votre système. C'est injuste. Pourquoi c'est moi qui dois compter les points? Mais allez, il a déjà du mal à parler, le pauvre. Ensuite, l'Allemagne envahit la Belgique. Après, la France se fait envahir au bout de. Combien de mois? Non mais la blague. Non, mais... C'est... Vous pouvez redire la question? Au bout de combien de mois? Pas trop longtemps, je crois. L'Allemagne envahit la France. C'est une fake news. Je dirais 9. Viens dire fake news. Je dirais 9 mois comme une gestation pour. On n'a jamais envahi la France totalement. Il a pris que la moitié. Au bout de 1940, c'est pareil. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Non. Je crois non. Que c'est. J'ai mis 9, il y a du 5. Alors, c'est en moins que vous demandez? C'est en moins d'un an. Bah oui, non, au moins, je veux dire. Au moins, ouais. Tu marques combien de mois, à ton avis? C'est bon, monsieur, ou pas? Alors? Bah, j'arrive pas à tout lire. Non, mais dis! Est-ce que... C'est 7 mois. En moins de 7 mois. Oh, oh non! Oh mais en moins de 7... Hein? J'ai pas compris la question, moi. Bah, l'Allemagne a mis à peu près 7 mois pour envahir la France. Ah, 7 mois. Okay. Monsieur? Oui. J'ai reçu les feuilles, comment dire, d'art plastique. Ah oui, les dessins qu'on a fait en art plastique, il faudrait que je donne les notes aux élèves. Vous me permettez? Oui, vas-y. Merci, monsieur. Vas-y. Je me lève, je vais au tableau. Alors, nous avons Adèle, tu as eu 15 pour ton dessin. Oui. Moi, j'ai eu 14. Paul, tu as eu 13. Alex, yes. Tu as eu 12,5. Sam, tu as eu 7. Oh. Et c'est toujours Alex, hein, ça va changer. Hein? T'as dit Alexandre. Oui, c'est Alex. Ouais, j'ai dit Alex. Ouais, non, il a dit Alexandre. Non, il a dit non. Alex. Non, non, il a dit possible, Alex. C'est trop long, il y a plus de syllabes. Finis, s'il te plaît. Oui, oh, j'ai oublié comment il s'appelle. Paul. Jason. Non, pas Paul. Thomas. Thomas. Thomas, oui, Thomas. Thomas, bah, qui n'est pas là d'ailleurs. Ah, il a eu 8. Celui qui est toujours à côté. Putain, je vais pas y arriver avec les noms. Cyril. Cyril. Cyril, like, fais attention à toi. T'as eu 10. T'es nul. C'est moi le nul ici. Hein, mais... Et les sœurs, vous avez eu 12 et 6. Bonne chance pour savoir qui est qui est quoi. Voilà. C'est bon, monsieur, je vais me rasseoir. J'ai fini. C'est bon, je vais reprendre mon cours. On arrête. Allez-y, Rambo. Alors. Fumer une clope, ça va passer, monsieur. C'est compliqué. Hein. C'est la cigarette, ça, c'est. J'ai pas envie de finir comme vous, quand vous même. Vous en avez pas une à me filer, d'ailleurs? Non, non. Et ton cigarette, d'où tu fumes, toi? On est en 6ème, Adèle. Il a commencé en 6ème, je crois. Oh, bien avant. Je pense que même en 6ème, il a commencé. Pendant hein. La grossesse, elle fumait. À l'école, il chantait du garou déjà. Alors, pendant les 8 premiers mois, il y a quasiment pas de guerre, pas de bataille. C'était mais pas comment, ça s'est, comment ça s'appelle cette période de 3 mois? Balavoine. C'est ma gueule, maintenant ils font les ponts que sont. Moi j'ai pas compris la question, monsieur le professeur. J'ai pas compris. Mais comment non. S'appelait la période où il n'y a pas eu de guerre pendant... Ah oui. Ah bah je oui sais, c'est quoi. Facile, je hein. Sais. Bah oui. Il me semble que c'est ça. C'est facile. Je c'est crois que c'est ça. Non, mais j'avais des propositions, mais c'est pas grave. Bah non, on a pas besoin de propositions. Mais c'est trop facile. C'est pas ça. Moi, monsieur, j'ai attendu vos propositions pour répondre. Non. Il y en a qui ont. Des propositions. Mais non, mais moi, je t'en bats pas. Beaucoup. Alors, est-ce que c'est la drôle de guerre? La guerre est menée. Ou je ne la guerre nulle. J'ai mis la guerre froide. Ça, c'est après ça la c'est guerre froide. C'est quoi la réponse? Alors... Attendez, tout le monde n'a pas encore noté. Allez, c'est marrant. Je vais mettre ça. J'ai eu le droit à la guerre nulle quand même. Hein. C'était la drôle de guerre. C'était la drôle de guerre. Yes. On n'avait pas besoin des propositions. Non, non, attendez. Bah si. Attendez, est-ce que je peux poser une question? C'est pas bon ça, monsieur. Cyril, pourquoi la guerre nulle? Roberto, t'es con toi, c'est ton niveau là, la guerre nulle. T'es nul. Eh hey, Cyril, t'as eu bon toi? Non, elle est. Ah, t'es mauvais. Non, si. Il a dit la guerre nulle. Ouais, c'est vrai. C'est... Alors, je peux continuer? Oui, monsieur. J'ai failli faire une blague très raciste. Non, il faut pas. Non, faut pas. Il faut pas. Non, faut pas. Alors, l'Allemagne se fait deux alliés qui se feront appeler l'As. Alors, monsieur le professeur, on peut parler d'un truc là? Il y a des je crois qu'il y a des racistes dans cette classe, on est d'accord? Non, mais ouais. Il est pas. C'est pas bien. Mais il dit rien. Mon papa, il a dit. Mais c'est pas bien. Mais laissez-moi continuer quand même. Alors, l'Allemagne s'est fait deux alliés qui se feront appeler l'Axe. Facile. Qui sont ces alliés? Facile. Vous avez des propositions? Ah non, vous démerdez. Merde. Oh putain, je l'ai su. Elle triche. Ouais, j'ai. Ah, je l'ai su. Ouais, bah oui, mais moi je l'ai toujours. Putain, moi je le sais toujours en fait. Est-ce que c'est ça? Contrairement à toi. Attendez, au tout début. Au tout début, hein. C'est qui a eu cette alliance? C'est l'Allemagne. Je pense que c'est ça. Parce qu'après, ça a changé. Après. En Europe. Mais je sais pas. Il y en a qui ont retourné leur veste. Allez, c'est pas. Oui. Toujours les mêmes. Ah merde, il faut deux pays. Oui. Ah, putain, il faut deux pays. Alors, moi j'ai mis. Moi je peux dire, monsieur, de qu'est-ce que j'ai mis? Ah bien, vous avez déjà écrit Italie. Moi j'ai. Non, Russie. Ah, j'ai mis. Hein? Moi j'ai mis l'Italie et le Japon. Eh, hey, il m'a frappé, c'est... Paul! C'était Italie et Japon. Yes! Je te fais du pied. Je suis trop bon. Est-ce que sur la non, URSS? Effacez. Non, mais non, URSS. Arrête d'essuyer, tu vas voir les doigts noirs. De l'autre côté. Et la Russie, elle est où là-dedans? De l'autre côté au début. Après, elle était plus de l'autre côté. Les bâtards. Je l'ai mis, mais j'ai mis l'Italie. Bon. J'ai mis l'Italie. Est-ce que maintenant? Oui, mais ils étaient. Alors, il y a 1941. Le traité? Il y a un traité en 1941. Oui, c'est le traité de Maastricht, non? Non. Oh là! De Maastricht! On a fait un bon. J'ai une question. Est-ce que si on a un pays qui est oui. bon sur deux, non. on peut avoir un deux? Moi j'avais déjà les deux. Fallait les deux. Ouais. Moi j'ai dit, est-ce qu'il y a eu les deux? Non. Moi j'en ai eu un. On peut faire quand même un 0,5. Bah hein. Oui, on peut faire un 0,5. Non, c'est n'importe quel prof, il accepte. Si je vous donne une cigarette, monsieur. Non, c'est bon, j'ai encore un paquet. Une bouteille de whisky? Si je vous achète une cartouche, monsieur, vous voulez bien mettre un. Attendez. Là, vous êtes peut-être pour rattraper. La France aussi avait deux alliés. Oui. C'était lesquels? Bah Facile. Calme-toi, Alex. C'est que des cours. Alors, enfin. Au tout début, hein, monsieur, hein. Oui, au tout début. Non, triche pas. Madame, monsieur, il triche. Comme une lasaille. Techniquement, il y avait trop. Techniquement, il y avait trois pays en tout. Mais. Ouais, parce que. Monsieur. D'un côté ou l'autre, ça passe. Monsieur, j'ai pas entendu la question. J'ai regardé mon téléphone. Les pays qui étaient avec les alliés. Ah bah oui. Parce qu'il y avait les pays qui étaient avec l'Axe et après il y avait les pays qui étaient avec les alliés. Ouais, mais on fait quoi avant ou avant Au début. Il y avait trois pays, mais je les compte les trois. Au tout début. On met les trois? Non, vous mettez que deux, mais ouais. Si vous avez les. Oh d'accord, deux, si on a l'un ou l'autre. Voilà. Ok. Alors c'est qui c'est vrai? Moi j'ai. Elle a marqué quoi? Elle triche mal en plus. Amérique et Japon. Elle triche mal. Mais j'ai mal pas eu le temps de lire. On a dit, on vient de dire que le Japon il était de l'autre côté. Tout à l'heure je te vois, tu triches. Et banane, on vient de dire que le Japon c'était de l'autre côté. Oui. Yes. Royaume-Uni et la Russie, j'ai mis. Oui, vas-y, ça passe. Ah bah oui, carrément. URSS et UK pour United Kingdom. Ça veut dire l'Angleterre, en fait. Royaume-Uni, ça veut dire. C'est rien. Moi, j'ai pas fait de différence entre l'Angleterre et les États-Unis, c'est des Anglais. Non, c'est méchant. Toi, t'as mis que les alliés de la France, c'était la France, toi. Du coup, les États-Unis, c'est. Ah oui, c'est vrai. mais non, c'est les alliés, c'est leur nom. Ils font partie des alliés. Oui, mais il a demandé qui était avec la France. Il n'y a pas demandé c'est bon, mettre la France dedans. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Angleterre, Amérique. Donc, après, il y a quoi, là? Amérique, c'est ça? Mais l'Amérique, ouais, c'était après l'Amérique, c'était pas tout de suite. Hein. Les Américains, au début. Il nous a dit que c'était bon. Ouais, bah c'était après. Mais du coup, c'était quoi la réponse? C'était la réponse. Le Royaume-Uni. Il y avait Royaume-Uni, États-Unis et URSS. Je comptais les trois. Ouais. Qui a eu bon? Moi, j'ai eu bon. Mais moi, j'ai eu qu'un point. Non, t'as rien, ça fait zéro. T'as zéro. Faut les deux. Et t'aurais pas pu mieux tricher? C'est toi qui as triché. Moi, j'ai pas triché, moi. Laisse-moi tricher. Ok. Putain, mais je suis nul, moi. Bah ouais, on a remarqué. Hein. Monsieur, votre gorge, elle va bien? Non, ça commence à picoter un peu quand même. Il a allé fumer une cigarette, monsieur? À la récréation tout à l'heure. Je crois que c'est le soufre qui fait ça. Les Français, malgré l'emprise de l'Allemagne et de la France... Il fallait déjà faire cette phrase, elle était magnifique. C'est vrai que c'était beau, hein, monsieur. Redites, s'il vous plaît. Non, il peut pas. Il peut plus. Il a plus d'air, je crois. Les Français, malgré l'emprise de l'Allemagne, de la France... Oui. Font de la riposte. Et comment se font appeler? C'est une question bonus. Oh, putain. Ah, les poilus. Les résistants. Les résistants, bien joué. Bah, c'était pas les marquis aussi. C'était pas écrire. Non, les résistants, c'est pas genre un terme générique. Si. Du coup, il est fini, là, votre cours. Ah non, il y a un second de question. Faudra dire à M. Boulard que franchement, le prof d'histoire... Monsieur, j'allais le dire, moi aussi. Mais sauf que je pensais que c'était à écrire. Mais non. Mais moi aussi, je pensais que c'était à écrire. J'ai dit que c'était une question. Les Américains, avec le Royaume-Uni, décident d'aider la France... à récupérer le territoire. Okay. C'est long, hein. J'aime bien votre façon de faire la guerre, monsieur. Et le jour du débarquement final aura lieu en Normandie. Ok. C'est un pigeon qui l'a envoyé. Ça, on savait, hein. Dans la nuit, et donc, 5 au 6, ouais. À votre avis, le mois et le jour à écrire. Facile. Bah ouais. C'est le mois et l'année, excusez-moi. Décembre 46. Mais non, c'est... Ah, mais je sais. Mais oui, c'est décembre 46. Bah oui, hein. Bah non. Mais je sais pas. Moi. Attends, c'est le mois et l'année. Le mois et l'année. Ah, mais attends. Ouais, c'est pas ça. Non, c'est le jour et le mois, je crois qu'il a dit. Hein. Non, c'est le jour. Il a dit le jour. C'est le mois et l'année. Il a pas dit le mois, il a pas dit l'année. Le mois et l'année, là, mois et l'année. Ah, le mois et l'année, c'est ça qui te gêne. Non, c'est le mois et l'année qu'il me faut. Oui, bah. J'ai dit que c'était du 5 au 6. Ouais, j'ai dit 5 au 6, ça me met 14 juillet. Ah, mais je sais, ça y est. Ouais, parce que je viens de copier. C'est bon, on peut montrer, monsieur? Oui, montrez. Enfin, dites, parce que j'arrive pas à tout lire. Moi, j'ai dit juin 44, monsieur. Moi aussi. Juin 44. Là, j'ai mis 45, c'est faux. Juin 44, c'est bon. Oui, juin 44. Juin 44. Là-bas, c'est quoi? 44. C'est marqué juin. Elle a marqué juin 44. C'est marqué Julie, ce qui veut dire juillet. Juin, comme ce que vous fumez à la récré, monsieur le professeur. Et pour finir. Attendez, qui est-ce qui est bon? Moi. Il y a beaucoup de bonnes réponses quand même, mais pas tous, hein. Et pour finir, alors, la Seconde Guerre mondiale se termine quand? J'avais le jour, le mois et l'année. Non, mais peut-être non, mais par contre. Non, mais monsieur, c'est que l'année. Moi, je suis même pas sûr d'avoir le mois. Jour, mois et l'année. Bah oui. Bah c'est facile. Mais oui, facile. Parce qu'on se réunit tous là. On se réunit tous là? Ouais. Ah oui. Bah oui. C'est pas le 14 juillet 45. Mais alors pourquoi on fait des feux d'artifice? Quoi? C'est pour la prise de la Bastille. Ça a rien à voir. Ah merde, moi c'était l'armistice. De la Bastille pour le professeur. Je suis con. L'armistice de la Bastille, il est connu. Le 8 mai 45, monsieur. Oh non, c'est pas... Oh, je suis... Ah, il s'est trompé. C'est pas ça? Eh mais attends... Ah, j'ai le 11 novembre 45 aussi. Non, le 11 novembre, c'est la Première Guerre mondiale, oui. Banane. Donc c'était le 8 mai 45. C'est le 11 novembre 1918. Ouais, mais je me suis trompé 3 jours, monsieur le professeur. Ouais, je l'accorde le point parce qu'il s'est trompé 3 jours. Ouais, c'est vrai qu'il y a 3 jours près. C'est assez dur. C'est bon ou pas? 11 mai, ouais. Et 11 mai, c'est vrai que c'était vraiment terminé. Après, hein. Franchement. Attends, j'ai pas vu l'année. C'est 45, monsieur. Oui, bah c'est bon. Le 8 mai 1945. Ouais, il a fait une dérogation. Nous, bref, c'est... Voilà, quoi. Oui, 2 secondes, je sais plus où on en est. Merci, monsieur, c'était super. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ce cours, il m'a saoulé. J'ai rien compris, mais... j'ai eu tout faux. Et en plus, j'ai trop envie de pisser. Moi, c'est... Et moi, j'ai trop kiffé. Bah, vas-y, va pisser. Mais non, mais je peux pas, ils sont bouchés. En plus, il y a Sonia, elle a eu un problème de mathématiques et j'ai pas tout compris. Ils ont dit qu'elle avait eu ses règles ou je sais pas quoi. Je vois pas le rapport. Mais t'as qu'à aller aux toilettes des mecs. Genre, les, bon, les toilettes sont aussi bouchées par rapport au cassoulet de la cantine. Mais par contre, tu sais, y a, genre, il y a des pissotières. Mais tu crois vraiment que les filles, elles peuvent faire comme vous? Bah, je sais pas, c'est pas pareil. Bah non, nous, on n'a pas de tuyau, tu vois. On peut pas pisser debout. J'avais des poils sur le torse. Si dans mon jean ça faisait une bosse. Si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles. Ouh, ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. C'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau. Alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de colle enfilée, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, pète comme une fille, je suis les deux à la fois. Ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Ouh, ouh, ouh, j'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Moi, si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un Don Juan. Oh, si j'étais un homme, si seulement. Si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. Tellement pisser debout. Pisser debout. Eh hey gros, c'est trop la classe ton pull. Il est à toi? Mais non, il est à rayures. Allez, tous en cours. Oui, tous en cours sur Indestar. Je suis trop un bolos moi. Ça marche aussi avec les carreaux hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai cru que t'allais dire que ça marche avec Antoine mais... Avec Antoine, pourquoi avec Antoine? Ah, je suis trop bolos. Ah oui, le bolos. Ouais, c'est pas gentil ça. Par ouais, contre, je reviens sur la chanson, j'ai très envie de pisser là, je me dis que pisser debout ça aurait été pas mal. Eh oui. Ah mais c'est Guillaume. Cool. J'en ai sorti ma zigoulette. Oui, oui, on voit bien. Ouais, Guillaume, elle adore pisser debout. Dans le studio. Je vois, mais non, console. Fais pas ça dans le studio ni sur oh, la console. T'es vraiment pas joueur. Un petit peu de respect quand même pour le studio d'Indestar. Si on veut continuer à faire cette émission La Classe comme tous les normalement premier mercredi du mois, là c'est le deuxième, mais on est là, n'est-ce pas Amel? Oui. Oui, on fait quoi ce Mieux soir? Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On essaie de suivre les cours comme on peut, hein. Mmh. On a déjà passé l'histoire. Ah bah en tout cas le prof d'histoire, il avait une bonne voix de qui m'a fait penser à fumeur. C'est pas ma guerre. Ouais. Et il y en a en histoire ils ont bien nagé, ouais. C'est le vent. On patauge. On patauge. Ouais, Nico, je pensais à toi. Je te rejoins, moi. Je crois que patauger, ouais, c'est pire, hein. C'est quoi? Le patauger, c'est moins pire, je crois. Oui, que... Là, c'est vraiment se noyer. Là, il s'est noyé. Là, j'ai coulé, hein. Il a vu le fond, il a vu le fond. Comme une bataille navale. J'ai touché le fond. Comme une bataille navale. J'ai touché le fond, moi. Tu sais que quand on touche le fond, on ne peut que rebondir, hein. J'ai pas rebondi. Bah non, si, tu peux creuser encore après. T'as jamais joué à Minecraft, ça. Après, tu peux aller creuser ta tombe aussi. On va voir parce que là, on a un cours d'écologie. Alors, ça, on n'avait pas forcément ça à notre époque. Mais maintenant, voilà, on fait pousser des plantes, tout ça. Parce que c'est l'avenir. Il n'y a pas de cours d'écologie. De quoi? Il n'y a pas des cours? Mais si. Dans le collège d'apprentissage, mais pas trop, il y a de l'écologie, parce que c'est l'avenir. Bah oui, évidemment. Bonjour madame. Oh bonjour jeune demoiselle. Bonjour jeune demoiseau. Bonjour. Asseyez-vous. Bonjour. Merci. Je suis madame Dalgo, Annie Hidalgo. Enchantée. Et je serai votre professeur d'écologie cette année. Madame, madame. Oh, oui. Vous avez pas participé aux élections présidentielles? Mais rien à voir. Ça. Non, ça c'était Anne Hidalgo. C'était Anne Hidalgo. Moi c'est Annie Hidalgo. Ça n'a rien à voir. Alors voyez-vous, ensemble nous allons apprendre les bons gestes, ceux qui feront en sorte que notre belle planète survive un petit peu plus longtemps aux terribles souffrances que nous lui faisons subir chaque jour. Que l'on ait une espérance de vie un peu plus... Exactement, plus élevée. À chaque fois que vous, Roberto, tu prends ta douche, à chaque fois que toi, Adèle, tu tires la chasse d'eau, douche, moi. Ou à chaque fois que toi, Sam, tu prends le volant ou le guidon de ta trottinette électrique, eh bien, c'est pour ça qu'il faut arrêter de se laver, faut arrêter d'aller aux toilettes. Je le fais déjà depuis des semaines, madame. C'est bien, Roberto, mais là, faudrait peut-être penser à en faire une de temps en temps, tout de même. Moi, madame, pour les toilettes, je vais dans les bois. Oui, c'est très bien, vous avez bien raison, monsieur madame, Roberto. Je vous ai déjà vu quelque chose. C'est de l'engrais. Alors, vous vous demandez ce que vous allez devenir. Ah bon? Eh ben oui, eh ben piéton, évidemment. Ça, c'est la vie du futur. Vous allez voir que c'est magique. On profite de chaque instant pour regarder les fleurs pousser, les oiseaux chanter. Et puis, franchement, on perd pas tant de temps que ça. Moi, j'ai regardé sur Google Maps. Vous connaissez Google Maps? Oui. Voilà. Eh bien, à notre époque, en ce moment, on mettrait 17 heures pour un Paris-Lisbonne en voiture. Et à pied, on mettrait que 346 heures. Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Bon, évidemment, vous êtes c'est sûr, oui. Vous êtes sûr? Mais oui, 346 heures, je viens mais de vérifier. Madame, moi je vais pas le faire ça. Eh ben, je vous faites comme train. Vous voulez. Vous je pourrez profiter train. De votre belle région. Vous avez bien raison. Bref, non, mais madame, l'écologie. Je prends le train pour faire ça. Hein. Deux semaines pour voyager. La trottinette électrique, deux semaines sans s'arrêter. L'écologie, aujourd'hui, nous allons évaluer ensemble si vous êtes des adultes du futur, puisque vous allez passer le code piéton. Oh, chouette. Ça fait rêver, hein. Bah ouais. Alors pour cela, je vais vous décrire des situations et vous noterez super. Sur votre ardoise si les réponses justes sont les A, les B, les C ou les D, voire plusieurs d'entre elles. Oh, on dirait qu'on passe les SSR, monsieur. Ça sera pas précisé, c'est à vous de voir. C'est entendu, les enfants. Monsieur, monsieur, on oui, dirait tu... qu'on passe les SSR, là. Et c'est la SSR piéton, quelque part. Alors, première question. Vous voulez traverser la route? Ça vous arrive de traverser la route? Oui. Oui. Oui. Pour trouver pour du trouver travail. Que cherchez-vous? Ça marchera aussi, oui, oui. Oui. Que cherchez-vous avant tout? A. Cherchez un travail. Réponse A. À savoir s'il n'y a pas de méchante voiture. Réponse B. Un passage piéton. Réponse C. À savoir s'il n'y a pas de gentil vélo cargo. Réponse D. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous assurez que vous avez bien deux jambes. Allez, marquez-le sur votre ardoise, s'il vous plaît. Monsieur, c'était quoi les deux premières réponses? Avant tout, nous avons du B, du ABC pour mademoiselle Adèle. Mais oui. Il y a plusieurs réponses. Il n'y avait qu'une seule réponse avant toute chose. Vous voulez traverser la route. Vous cherchez s'il n'y a pas un passage piéton. Yes. Bravo, monsieur Sam. Bah, Moi, bah, monsieur, je suis pas totalement d'accord avec vous. Scimbé, monsieur. Mais il n'y a pas que Sam. Mais il n'y a pas que Sam. Il y en a trois. Vous êtes nombreux, mais ceux qui ont marqué plusieurs réponses n'ont pas la bonne réponse. Bah, mais monsieur, c'était la réponse B. Et la réponse B, monsieur, c'était pas chercher un passage piéton. Mais si on cherche un passage piéton avant tout, c'était la réponse B. J'ai pas vous allez peut-être marquer au hasard, mais c'est très bien. Mais il faut chercher s'il n'y a pas de voiture aussi méchante, parce que même sur passage piéton, s'il force. D'abord, on cherche le passage piéton. Mais d'abord que t'allais au passage piéton. Après, on regarde s'il n'y a pas de méchante voiture. D'accord, mais madame. Monsieur, j'en ai rien à faire, moi, du passage piéton. Écoutez bien les propositions et du coup, avant de répondre. Madame, il y a qui a eu bon? Moi. Alors, il y en a pas mal qui ont eu j'ai eu bon. Oui, vous êtes assez premier de la clutch, je le dis direct. Un télo. Attention, deuxième question qui va s'afficher à l'écran. Vous êtes prêts à traverser. Vous regardez à gauche et à droite. Vous regardez à droite, puis à gauche. Vous vous fiez au bruit. Hein, y a pas. Ou vous le sentez. Bah, y a aucune, avis, y a aucune ça dépend si on est aveugle, madame. Y a aucune bonne réponse. Vous pouvez redire. Avant de traverser. Mais est-ce qu'on est aveugle, madame? Vous êtes prêts à traverser, d'accord? Oui. Ok. Tenez, madame. Voici ma réponse. Chut. Vous regardez à gauche et à droite. Vous regardez à droite, puis à gauche. Vous vous fiez au bruit ou vous le sentez? Tenez, madame. Voici ma réponse. Mais on a du A, on a du G. Non, mais gauche et droite. Gauche et droite. Mais pour moi, il n'y en a aucune parce que quand on la première ou la deuxième droite, c'est la A, gauche et droite. Si on regarde toujours à gauche puis à droite, ouais. Même dans l'autre sens. Oui, mais, oui, mais à un moment, c'est gauche, droite, gauche. Vous apprendrez que c'est ça, c'est gauche, droite, gauche. Donc pour moi, il n'y a aucune bonne réponse. Alors, c'était du gauche et du droite. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire plusieurs fois. C'est gauche, pas précisé. Non, c'est vraiment gauche, droite, gauche. Mais regardez à gauche et à droite. J'ai pas précisé le nombre de fois. Et c'était c'est donc gauche, la réponse A. Et pas la réponse B, puisque la réponse B était vous regardez à droite, puis à gauche, alors qu'on peut faire la gauche, oui, puis la droite. Oui, bah c'est gauche, droite, gauche, normalement. J'ai bien compris. Un point en moins, bah parce que réponse, monsieur. C'était la réponse A. La réponse C aussi, ça fonctionne, puisqu'on cherche du regard. Je dis que qu'est-ce que vous cherchez du regard, vous? Bah s'il y a des véhicules. Mais oui, tout à fait. Mais oui, mais il a pas dit du regard. C'était la A. Enfin, il a dit gauche, droite, quoi. Mais c'est bon, du coup. Le petit bonhomme du passage piéton. C'est bon, tu suis pour les points? Oui. Le petit bonhomme du passage piéton. Il est rouge. C'est bon pour moi? Ouh là là, il est rouge. C'est qu'il est en colère? Réponse A. C'est que c'est un amérindien? Réponse B. Pratique. C'est que vous ne pouvez pas traverser? Réponse C. Que c'est dur. Ou c'est qu'il est daltonien? Réponse D. Ah, c'est possible ça? À votre avis. Et Cyril pourra avoir son premier point. Ça l'était facile, hein. Mais c'est comme la question la d'avant. E. Hein. Mais non, pas si du tout. Si t'es aveugle, regarder à gauche, à droite, ça sert pas à grand chose. Il y a beaucoup de C, mais c'est effectivement la réponse C. Bah, si t'es daltonien, c'est compliqué aussi. Hein. Vous ne pouvez ouais, pas mais traverser. Tu le sais. Ah oui, t'as les bonhommes qui font les. Et en plus, on est censé être la ça. Réponse ça e, c'est, la réponse oui, E, mais c'est quand même en colère, il est rouge. Ah, la réponse E, c'est pas forcément en colère. Enlève la main, ceux qui ont la bonne réponse. Seul Sam n'avait pas la bonne réponse. Tous les autres avaient la bonne réponse. Non, moi aussi, j'avais pas la bonne. Il a mis E. Ah, ça te les casse, pas. Hein. Non, bah non, façon, c'est, Sam, il a c'est des juste. Lacunes, hein. Attention, c'est juste c'est, on peut traverser, non? Sam, il est plus branché conduite. Si vous appuyez sur le bouton piéton sous le feu, réponse A, ça diminue le temps d'attente, ou réponse B, ça permet de jouer avec un bouton parce qu'en vrai, on sait pas vraiment si c'est relié au feu. Eh, en vrai, je me suis posé la question déjà. Hein. Réponse A ou réponse B? Mais si j'ai une autre réponse à vous donner, monsieur. Ah, mais j'aimerais bien entendre, monsieur Roberto. Je peux vous la donner? Il y a beaucoup de réponses A, allez-y. Alors, je me suis renseigné parce que mon papa, il travaille sur la circulation urbaine des feux. Et il se trouve qu'en fait, ces boutons, ils marchent pas tout le temps. Ils marchent qu'à certaines heures, notamment la nuit où il n'y a pas beaucoup de trafic. Si on appuie, là, ça le fait passer. Mais sinon, la plupart du temps, c'est décoratif. Ok, on est d'accord. Donc, c'est les deux. On va dire que j'accepte les deux réponses. Monsieur, est-ce que c'est bon ça? Mais pour avoir essayé, B, cela ne sert à rien. Je suis un peu d'accord avec vous, monsieur. J'avais d'ailleurs validé la réponse B, mais bon. Bah, du coup, point pour tout le monde. Hein. Point pour tout le monde. Et moi, monsieur, j'ai un point bonus? Non, mais votre papa, vous allez me le présenter. Point bonus pour ton père. Je suis célibataire Roberto. Depuis 3 semaines. Oh. Alors, pour plus de sécurité lors de la traversée, on parle toujours, bien sûr, du passage piéton. Évitez d'écouter Jules dans votre baladeur ou évitez d'écouter Jules tout court. Réponse A ou réponse B? Les deux. Réponse B. Réponse A parce que tous les goûts sont dans la nature. A. Oui, c'est mais... trop optimiste. Hein. Alors, tous les goûts sont dans la nature. Je suis d'accord. Sauf Jules. Mais sauf Jules. Donc, j'ai accepté les deux réponses. Voilà. Tout le monde du coup, il fallait mettre les deux réponses. Non, il a accepté les deux. J'ai accepté les deux. A ou B, t'as bon. Alors, oui, mais attends, on met une seule des deux, alors, ça compte. La vraie que j'avais mis les deux parce que il faut éviter de l'écouter dans votre baladeur. Il faut l'écouter tout court. Cela dit, si vous l'écoutez tout court, vous ne l'écoutez plus, eh bien, vous ne l'écoutez pas non plus dans votre baladeur. Donc, la B était bonne, mais la A n'était pas bonne, alors. La A toute seule n'était pas bonne. Oh, ah-ha. Mais c'est quoi ces conneries? J'en étais sûr. Moi, du coup, qu'est-ce qu'il y a mis? Moi, j'ai mis A et B. C'est pas normal. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il faut éviter d'utiliser des écouteurs. Bah voilà, faut pas écouter des écouteurs. Mais là, c'est dit pour écouter Jules. Et donc, ça fait mais pas. Mais Jules, c'est nul. Oui. Jules, c'est quelqu'un nul. D'autre qui a mis A et B? Moi, j'ai mis. D'accord. Alors attendez, la A toute seule est pas bonne? Ouais. Non. Par contre, la A et B étaient bonnes et la B toute seule était bonne. Oh non, mais sérieux? Non, mais alors là, monsieur, on est quand même pas loin du foutage de gueule. Il nous reste combien de questions, monsieur, avant la fin du cours? Eh bah, ben, encore un petit peu de temps. Moi, je suis d'accord avec le professeur. Vous ennuyez, monsieur, ça? Oui. Eh bah, ben, vous allez sortir. Ah. Ah, attention, hein. Alors, question suivante. Vous avez passé la soirée avec des amis et vous avez vidé la cave. Réponse A. Vous marchez au milieu de la route pour éviter de tomber dans le fossé. Réponse B. Vous marchez dans le fossé pour éviter de vous retrouver sur la route. Réponse C. La marée chaussée peut vous sanctionner. Réponse D. La marée chaussée peut vous réchauffer. C'est quoi la marée chaussée, monsieur? C'est la police. La police. Ah. Les keufs. C'est quoi le rapport avec la marée chaussée? C'est quoi la C? Vous avez dit quoi pour la C? La marée chaussée peut vous sanctionner. Et la réponse D. La marée chaussée peut vous réchauffer. Réchauffer ? Bah, s'ils nous mettent en cellule de dégrisement. Bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs réponses ? Il y a plusieurs réponses. Oh. C'est quoi la C, monsieur ? J'ai oublié la C. Ah, c'est de la drogue. La marée chaussée peut vous sanctionner. Il y a que de la D. Alors, J'en ai oublié. Les bonnes réponses étaient la B. Vous marchez dans le fossé pour éviter de vous retrouver sur la route et non pas l'inverse. Mais, oui, non, c'est pas vrai. Mais c'est super bien, marcher sur la marche dans le fossé. Attention, la marée chaussée peut vous sanctionner. Effectivement. Oui. Mais la marée chaussée peut vous réchauffer aussi en vous amenant au poste. On est d'accord. Et si on a mis C et D, il fallait du B, du C et du D pour avoir la bonne réponse. Je suis pas d'accord, monsieur. Vous avez déjà marché dans un fossé. D'accord. Vous avez déjà marché dans le fossé, monsieur? C'est très dangereux de marcher dans un fossé. Il y a de l'eau. Il y a des serpents. Il y a des sangliers aussi. Et si le fossé est plein d'eau, fait comment? Eh bien, vous prenez des bottes de 7 lieues. Tu m'as mis un point, hein. Il n'y a qu'un point pour Mademoiselle Rachel. Eh non, j'ai mis CD, moi. Non, Adèle. Adèle. Mais je veux bien le point aussi. J'ai mis CD. Mais ça va pas. Est-ce que t'as mis le B? Il fallait mettre les trois. On dit B, C, D. Et on se calme. Continuez votre cours, monsieur. Alors, moi c'est madame, hein, attention. Il n'y a pas de trottoir ni de piste cyclable. Oh, les méchantes voitures prennent toute la place. Où allez-vous marcher? Sur la voiture. Au milieu de la route. Réponse A, dans le même sens que les voitures. Bah, B, dans le sens inverse, pour leur faire peur. Réponse C, au milieu de la route, sur la bande blanche. Réponse D, vous passez par les bois. C'est dangereux, monsieur, de passer par les bois, parce qu'il y a les chasseurs. Il y a les sangliers. On peut faire du saucisson. Les bonnes réponses étaient... Réponse B, dans le sens inverse des voitures. Oh merde. Et réponse D, vous passez par les bois parce que... Oui, c'est joli aussi les bois. Est-ce que je peux rajouter un petit truc? Allez-y. Normalement, quand on est piéton, on doit toujours se situer à gauche. Donc, on est en même temps dans le sens de la voiture. Pas du tout, c'est dans le sens inverse de la voiture. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça suffit, mademoiselle, vous voulez sortir? Moi je veux sortir, monsieur, je ferme ta gueule. Hein. Je veux sortir. Il y avait pas mal de bonnes réponses. On passe à moi par contre. Moi j'étais pas d'accord par contre. Avant dernière question, attention, ça s'affiche sur l'écran. Okay. Vous n'arrivez pas à dormir et vous voulez faire un tour à pied pour vous détendre la nuit donc hein. Vous pensez à prendre des vêtements fluo avec une lampe de poche. Réponse A. Prendre des vêtements noirs pour ne pas vous faire repérer. Réponse B. Cela fera fuir les animaux. Réponse C. Hein? Cela avertira les voitures de votre présence. Réponse D. De quoi qui fera fuir les animaux? C'est quoi pas la réponse D, monsieur? Ah non, c'est que c'est la suite, ça, après. L'une des deux premières propositions. Nanana. à son palier. Vous pouvez redire s'il vous plaît, j'ai pas... Oh, en gros, tu marches dans la rue noir parce que tu t'arrives pas à dormir. Soit t'es en fluo. Parce soit que t'arrives pas à dormir. Noir, soit tu fais peur aux animaux, soit tu fais peur aux voitures. Les bonnes réponses. Mademoiselle Adèle, vous les avez. C'était la A, la C et la D. Bah alors franchement, le gilet réfléchissant qui fait peur aux animaux. Non, c'est pas du tout vrai d'ailleurs. Vous avez vu ça, contre, mais moi j'ai mis aussi. Bah mis à part si vous avez pris un peu trop de. C'était drogue. Bien, Mademoiselle Adèle et Mademoiselle Rachel. Oui. Mais est-ce que j'ai bon? J'avais pas compris. Madame Ali, c'est pas grave. Oui. Madame Dalgo. Oui. Est-ce que c'est bon? Non. Bah non, on a dit ACD. Les vêtements noirs, c'est pas du tout prudent. Bah si. Non. Robert, c'est stylé. Attention, c'est tu stylé mais pas prudent. Le dernière vaut question. Mieux que la prudence. Non. Dernière question. Votre vélo a crevé et vous le poussez à la main. Vous êtes considéré comme réponse A, piéton. Réponse B, cycliste. Réponse C, quelqu'un de malchanceux. Réponse D, quelqu'un. À votre avis, Madame Dalgo, c'est bon ou pas? C'est quoi la B déjà, monsieur? C'était cycliste. Ah bah non. Alors, il n'y avait pas une réponse où c'était les piéton. Les bonnes réponses étaient c'était la A, la A, ah, la C et la D. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Vous avez compris le principe. Oui, levez la main ceux qui ont eu bon. Non, c'est pas la peine, tout le monde a eu bon. Oh, mais non, j'ai pas eu bon moi. Je pensais que c'était la dernière, mais en fait pas du tout. Il y en a encore deux. Oui, il est long mon coin, il y a 10 questions. Et alors, madame, faut vous calmer. Hein, question suivante. Les panneaux de signalisation que vous voyez sur les bords des routes s'adressent, réponse A, aux piétons, aux cyclistes, aux skateboards et aux voitures, et ainsi de suite. Réponse B, aux signalophiles, les adorateurs des signalétiques. Réponse C, ils sont là pour décorer. Réponse D, il faut les respecter. À votre avis, c'était facile, hein? Bah, tout le monde a la bonne réponse? Ah non, pas forcément. Ah, mais merde. Non, c'était la bonne réponse. Les bonnes réponses étaient réponse A, aux piétons, cyclistes, skateboard et voitures. Et réponse D, il faut les respecter. Madame Dalgo. Oui. Une limitation à 30, ça s'applique pas aux piétons? Ah bah si, aussi. Ah ouais? J'en sais rien. T'as pas le droit d'être en dessous. Au cas où, si vous marcherez. Je connais personne qui marche à 30 km/h. Mais c'est pour ça qu'on a pas le droit d'aller sur l'autoroute. Bah si, faut parce que 130, c'est compliqué. C'est il faut courir. Il faut courir. Mais je pense que ça s'applique aussi. Hein. Mais alors, même 30, c'est compliqué déjà. Bah en fait, il faut courir pour aller à 30 km/h. Qui c'est qui a eu bon? Moi. Levez la main. Moi. Et nous arrivons petit à petit à la dernière question. Oui. En tant que citoyen du futur, c'est vous. Vous pensez des voitures? Réponse A, qu'elles doivent toutes devenir électriques pour que les hommes soient dégoûtés de l'automobile. Réponse B, qu'elles doivent toutes disparaître. Réponse C, que c'est le mal absolu qui fera disparaître l'homme de la surface de la Terre. Réponse D, que ça contaminera même l'univers tout entier. À votre avis? C'est parti pris, je dis bon. Toutes les bonnes réponses étaient exactes, effectivement. Yeah, si vous en avez qu'une seule, ça marchera aussi. Hein. Oui, donc on a tous si on droit. A des réponses, c'est l'automobile, c'est trop bien. Surtout la thermique. J'ai pas d'être en 2035. Attention, vous, hein, vous allez sortir. Hein. Je ne veux pas entendre ça dans mon cours. Un bon V8. Nous, on est dans un cours d'écologie. Alors tous ceux qui sont sur des V8 ou des thermiques, les allez V12, le entendre. Oui. Bon. Bah maman, sur ce V12, sur ces bonnes paroles. Maman, papa, elle a une Ferrari. Oui, bah vous serez exclus. J'ai pas mon papa chez moi. Porte électrique et puis c'est tout. S'il vous plaît, avant de quitter le cours, je vous laisse revenir récupérer votre attestation de parfait piéton. Et nous, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour que notre cours, pourquoi habiter en périphérie des villes, sera pour vous, fera de vous un mauvais citoyen. Ça sera la semaine prochaine à la même heure, d'accord? Je vous dis à la semaine prochaine, les enfants. À jamais. Au revoir, madame. Toi, t'as l'air essoufflé, Sam. Pourquoi tu cours comme ça? Y'a quelqu'un qui veut me frapper. Ah bon? Oui. Pourquoi? J'ai rien fait. D'accord. Il veut me frapper juste parce que j'ai des bons mains et que je veux pas lui en donner. Vas-y, take your breath. Vas-y. Mais je veux. Pourquoi tu veux que je reprenne mon souffle? Bah non. Take my breath alors. Ah.

T'as quoi? C'était court, moi j'en voulais plus, mais c'est pas grave. Vous en voulez encore? Get more! On remet? Ah oh ouais! T'as cru que c'était une batterie? Morning and out to school. Et oui, Indestar, c'est ce soir, hein. On est à la classe, on n'a pas bougé depuis pratiquement 2 heures. Hein. C'est vrai. 1h43. On commence à avoir le cul plat, hein. Pas tout, mais voilà. Ça commence un peu à faire mal, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On va partir sur quel cours juste après? Il me semble que c'est technologie. C'est hein. vous avez bien aimé la techno quand vous étiez quand. Mon prof, il pue de la gueule, c'était un truc de ouf. On va peut-être pas dire le nom. Attends, est-ce qu'on avait le même? Non, quand même pas. Mais on va pas dire. Moi, il me fait des évals comme 50. Hein. Non. Mais de toute façon, c'est pas la question. On part en techno. C'est comme ça. Allez, super. Bonsoir. Hey, salut la compagnie. Ouais. Bonjour messieurs. Est-ce que vous êtes chaud? Bip bip. Ouais. Po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po po. Mais moi je découvre le taf là. La semaine dernière j'étais DJ au Shogun là. Ah ok. Et puis cette semaine l'éducation nationale me dit ils sont en rate de prof, ils prennent n'importe qui, donc je me suis présenté pour faire n'importe quoi. Rémi Gaillard, si tu m'écoutes. Monsieur, vous êtes pas un prof de musique, non? Ouais, non, je suis prof de techno. Bon, alors on est censé faire quoi aujourd'hui? De la techno. Ok, alors ça tombe bien parce que je vous ai ramené les compiles de tuning. On va voir si vous êtes au taquet. Tiens, écoutez ça. Hey. Yeah. Je connais ça. Vous connaissez ça? MC Hammer. Exactement. Le titre, il a... Ça y est. Calmez-vous. Non, mais c'est sorti au début des années 2000. C'était dans une pub télé. Alors, vous allez me dire, c'était une pub pourquoi? Si c'était une pub pour téléphone, si c'était une pub pour les pastilles pour la gorge, ou si c'était une pub pour de la bière. Allez, marquez ça sur les ardoises, s'il vous plaît. À votre avis. Là, monsieur, il n'y a qu'une seule proposition. Non, il y a 3 propositions. A, la téléphone. Ah. De C, il y a du A. Et il y a du téléphone et personne. Si, monsieur... vous aviez la bonne réponse, de la bière. Mais évidemment, c'était de la pub pour la bière. C'est ça, monsieur? De quoi? Bah ouais, c'est de la réponse. Roberto, j'ai pas. T'as pas marqué la bonne réponse tout de suite, attention. T'as un petit j'avais filou. Pas entendu la question. T'as un monsieur. Petit filou. J'avais pas entendu la question. Allez, on enchaîne, deuxième extrait. Ouh. Allez, ça date, hein? Allez, encore dit. Ah ça, je peux vous dire que dans la fiette panda, c'était cool, hein. Alors, le titre, il a un nom d'animaux. Vous vous rappelez, c'était un nom de quoi? C'était quoi comme animal? Vous le marquez sur les ardoises, là? Vous savez qu'on a plein de choix possibles. Bah, non, je veux juste le titre. Pardon. C'est ça? Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est que ça, Suricate? Bah non, pas du tout. Suricate. Un éléphant, un lama, un éléphant... Un poney, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qui a mis éléphant? Un lynx. Un lynx? Non. Un lion? Mais ouais, pas du tout. J'ai mis un monsieur. Dog. C'était la vache. On était pas loin. Éléphant, vache, tu rajoutes des taches sur vous une... Vous la connaissez, la vache qui rit? Parce que la vache qui rit, elle rit. Wouhou. Mais monsieur, attendez, je me pose une question quand même depuis le début de ce cours. Ouais. On devait pas faire un cours de technologie, vous savez, des trucs... Incompétent. Des machines en 3D, des crayons, la soudure. Ouais. Des circuits électriques. Aïe aïe aïe aïe aïe, mais je croyais que c'était de la techno, hein, merde. Oh là là là là, je suis désolé. La technologie. Mais monsieur, moi ça me va. Hein. Non, mais ok. Bon, alors, ce qu'on va demander, on va demander à la technologie de nous pondre un cours. Alors, ok, Google. Ouais. Demande à ChatGPT de me pondre un cours sur la technologie pour gamin de 12 ans. Ok, alors on a on quoi? On a 10 ans, monsieur. Ouais, c'est pas grave. J'ai 11 ans, moi. Ouais, bah c'est bon, vous avez pas chier. Moi, j'ai 14 ans. Alors, monsieur. Quoi? Quand vous avez dit OK Google, vous avez activé le téléphone. Pourtant, j'ai dit Google. Ouais, ça a marché. La preuve que Google est gogol. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il nous propose? Tiens, chapitre 1, expliquer ce que la technologie et comment elle a évolué au fil du temps. Oh, pfff. Alors la technologie c'est quoi? Bah c'est de la techno logis. C'est pas de la musique. Et dans un logis, de la musique dans un logis, ça fait de la technologie, c'est simple quoi en fait, voilà. C'est de la musique chez soi. Alors on va continuer, ordinateur. Parler des différents types d'ordinateurs, de leur fonctionnement et de leur utilisation. Monsieur, okay. Le seul ordinateur que je connais, c'est l'ordinateur binaire. Oui, bah très bien, c'est bien, ça fait un point. Ou ça quantique. Tiens, un point, allez, hop. Comment ça marche un ordi? Je sais plus. Bon, bah c'est simple, en fait, tu branches sur la prise, sur du courant alternatif, parce que le courant, des fois, il est là et des fois, il est pas là. Hein. C'est comme on dit là. Ouais. Et c'est réglé sur une certaine tension. À votre avis, c'est combien la tension? C'est du 120 volts, du 230 volts, tout ça dépend. C'est 220 230. On t'a pas demandé, toi, tu marques sur ton ardoise. Ok, petit gars. Ok, on n'avait pas proposé du 220. 120, c'est, ça dépend. ça dépend, ça dépasse. 230, et on a du ça dépend. C'était la bonne réponse, ça dépend. En fait, ça dépend des pays. Genre au Japon, on est sur du 100, au States, c'est du 120, ici, c'est du 230. Voilà, on arrondit à 220, mais parce qu'on est des cons. La suite. Attendez, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut, la petite là? Oui. Non, mais t'inquiète pas, tu vas les avoir réponse. Tes points. Mais moi, je veux tu mes vas points. Les avoir tes points. Pop, pop, pop. Ouais, mais ici, on est en France. Pop. Et en France, c'est 220. Est-ce non que j'ai précisé qu'on était en France? Ah non. Bah non. Bah évidemment. Alors la suite. Je relis ce qu'il me propose là, du suite du programme. Expliquez ce qu'est Internet. Comment ça fonctionne et comment on peut utiliser pour trouver de l'information, pour communiquer avec des autres personnes et s'amuser. Bon, Tinder, je vais vous dire, c'est ce qu'il y a de mieux pour s'amuser. Mais bon, comment ça fonctionne? Genre, il y a un protocole. Vous connaissez le nom du protocole? Vous me le marquez si vous connaissez. Pouah, pouah, pouah. Nom du protocole. Ah, je crois qu'au fond de la classe, il y a du protocole, hein. Alors... Le protocole. Le protocole. On a du protocole réseau, c'est nimp. Qu'est-ce qu'on a du HTTP? Non, ça marche pas non plus, du HTTP. Ah, j'avais copié. Il efface son ardoise, le petit Roberto. Bah, j'avais... Filou bah. Parce que j'ai pas d'idée, monsieur. On a du point d'interrogation, mais sérieux. Et qu'est-ce qui marche? Protocole Genesis. Quoi? Du HTTPS, mais non plus. C'est quoi un protocole? Bah oui, c'est ça. Du IP, ça marche pas non plus. Bon, je pense qu'au fond de la classe, va falloir me le marquer. Hein. Alors, c'était quoi le protocole? Le protocole LDAP. LDAP, bien sûr. C'était le TCP/IP. Bah oui. Mais bien sûr. C'est clair. Mais évidemment, mais c'est clair comme de l'eau de roche. Transmission comment Control Protocol Internet Protocol. Et avec ça, tu fais ce que tu veux. Tu peux utiliser un moteur de recherche pour trouver des sites de ouf. Vous pouvez me donner d'ailleurs des exemples de moteurs de recherche. HTTP. Je vais demander à Sarah. Il y a pas de Sarah. Elle est pas là, Sarah. Bon, alors je vais demander à Rachel. HTTP. C'est pas du tout un moteur de recherche. Moteur de recherche, on allez, je vais demander Firefox. À Sam. C'est pas un moteur de recherche. Ah, Fanny, elle est où, Fanny? Elle est là. Un moteur de recherche, Firefox. Firefox. Mais c'est pas un moteur de recherche, Firefox. Monsieur, monsieur. Mélanie. Google. Google est un moteur Bing de recherche. Bing. Ok. Alors, monsieur, alors, j'en ai un. Je vais demander à monsieur, Thomas. Attention, à Thomas. Yahoo. J'ai oui, ça marche. Je vais demander à Adèle. Monsieur. Adèle. Monsieur, moi je sais. Ah, c'est pas. Roberto, moi, Roberto. Mais je sais, monsieur. Monsieur, Roberto. Monsieur, je sais pas. Paul, c'est... Paul. Bing. Bing, ça marche. Je demande à Cyril. Monsieur, j'en ai encore un. Je sais pas. Monsieur, okay. J'en ai encore un. DuckDuckGo. Oui, mais on vous a pas demandé d'en citer de 40 000 non plus. Hein. Mais il y avait Quant, il y avait, y en avait plein. Il y avait Bedou, AOL, Ask, Yahoo, on l'a dit, Google, Bing, compagnie. Hein. Juste Google. Alors, passons à la programmation maintenant. C'est la suite du programme qui me propose. Alors, vous allez me présenter les bases de la programmation en utilisant des exemples simples et en expliquant comment les ordinateurs suivent les instructions pour effectuer Python, des tâches. Python, Python programmation. Attends, tu peux pas poser la question. Alors, la programmation informatique, c'est comme quand vous donnez des ordres à vos parents, genre, hey, toi Rachel, tu dis à ta mère... Non, c'est Adèle. Oui, bah c'est à toi Rachel, hein. Tu dis à ta mère, fais la vaisselle et utilise une éponge pour la faire. Tu dis ça? Non, tu dis pas ça? Bon, c'est pas grave. Ok, t'as compris l'idée. Monsieur, monsieur... Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Les vannes, elles vont être coiffées combien? Mais on en a rien à battre, c'est coiffé, j'en sais rien, moi. Balek. Bon, les ordres que l'on donne à l'ordi, ça s'appelle du code. Ok, vous êtes d'accord avec ça? Ok. Et on écrit ça dans un langage que seul l'ordi comprend. Je vous donne des langages à chaque fois, vous me dites et vous écrivez. Si vous pensez qu'ils existent, vous me le notez sur l'ardoise. Il peut y en avoir plusieurs de bons. Hein. Alors, j'ai du FAT, du PTP, du Javelot, du Python, du Julia et du Irina. Alors, je l'ai dit 15 fois, monsieur la réponse. On peut en mettre qu'un seul? On peut en mettre plusieurs, j'ai dit. Ouais, mais si on veut en mettre qu'un seul. Sinon, t'en mets qu'un seul. Voilà. Alors on a du python avec j'ai un donné la réponse avant, monsieur. Fallait pas. Et il y avait pas que du python. Il y a pas dit chat. Ah ouais, mais je connais pas le reste. Bah non, il y avait du Julia aussi. Eh ouais. Ah, il y avait pas le PTP. Eh ouais, le Julia, ça s'utilise pas beaucoup mais on l'aime quand même. Et le fat python, très bien, le fat n'existe pas, ça fait une mauvaise réponse. Format, et fat. Moi exactement, PTP, fat 32 par exemple. Ça ça avait d'autres chouchou. Moi c'est pas bon du coup. Bah python et PTP non, ça marche pas, non. Mais non, moi non. Oui par contre. Mais toi python ça marche. Oui, OK. Python. On est d'accord. Merci Paul. J'ai copié. Ben de rien. Je pense que ça peut valoir un point de plus. Le Julia ça avait l'air un peu dur pour vous quand même. Je crois que j'ai affaire. En plus, j'ai failli lui mettre le Julia. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Ok. Alors, on va essayer de faire plus simple pour le prochain chapitre. Il nous marque, ChatGPT, expliquer qu'est-ce qu'un smartphone et comment il peut être utilisé pour appeler des gens, envoyer des messages, prendre des photos et jouer à des jeux. Alors, bon, vous allez marquer dessus, sur votre ardoise, le nom d'un jeu mobile. Ah, ça devrait pas être trop compliqué. Le nom d'un jeu? Ouais, celui que vous jouez dans votre toilette, là. Ok. Ok. Et si on joue à la belote, c'est un peu has-been, non? Vous avez le droit. C'est vrai, on a le droit. Attendez. Le droit de jouer à la belote, hein. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'elle marque, la petite Fanny, là? J'ai marqué Genshin Impact. Genshin Impact, ça marche. Si je vous donne le jeu le plus téléchargé, j'ai non, un point bonus. Je m'en fous, je joue celui que... Subway Surfer. Ok, vous jouez dans le... Vous surfez dans le métro. Je suppose que c'est un ancien jeu que vous connaissez depuis longtemps, Tetris. Tetris, évidemment. Ben oui, on a quoi, la belote? La belote, le Ralph? Royal Match. Royal Match. C'est quoi ça? Ben c'est un jeu. Et ça fait quoi? On fait quoi? Bah on fait des lignes. D'accord, ça a l'air passionnant. qu'est-ce qu'il veut le petit Sam là? Il a marqué quoi? Il a marqué Regarzone. Il a pas compris, je crois. Pas compris, c'est quoi ton jeu là? Je regarde des animés. Oui, mais c'est pas un jeu! C'est pas un jeu! Ça fait zéro! Le Mobile Legend là, c'est quoi ça, Mobile Legend? Alors, c'est un jeu qui ressemble à LOL en fait, mais sur portable. Ouais, moi je me marre aussi, ok, ouais. Ça marche. Beat Life? Oui. Beat Life, bah. C'est un jeu que tu crées ton personnage et tu dois le faire évoluer, alors tu fais. Bah voyons. Et c'est forcément un mal, j'imagine. Ça a l'air absolument fabuleux! Bien sûr. Allez, on termine sur la cybersécurité, parce que se protéger c'est important. D'ailleurs, ça c'est comme sur Tinder. Alors. Genre t'es couvert. On va parler mot de passe. Je sais pas, je sais que c'est un peu relou à retenir, mais c'est important que ça soit le nom de votre chien avec votre date de naissance, parce que sinon il y a des hackers. Mais ta gueule. Ils vont piquer des photos nudes qu'ils vont revendre sur les magazines People. C'est votre mot de passe, vous? Bah, allez. Vous avez rien compris, hein. Je vais vous donner 3 mots de passe et vous allez me dire celui qui est le plus sécurisé d'après vous, ok? Ouais. Ok. Alors. Il y en a qu'un seul alors. Il y en a qu'un seul qui est le plus sécurisé, forcément. D'accord, monsieur. Alors, désolé. Une voiture flotte dans une casserole. Ça, c'est la première proposition. Le mot de passe, il est aussi grand que mon avenir, quoi. Avec les espaces, hein. Le deuxième, Mac Windows, le boss des profs, tout en minuscule. Et réponse C, j'aime les fruits, mais pas le ketchup, que je réduis en JLFMPLK0001, parce que c'est comme ça. Alors, ça donne quoi? Réponse C. La bonne réponse était la réponse A. C'est pas vrai. Quoi? Bah évidemment. Eh oui. Alors, pourquoi? Parce que une voiture, ça flotte pas. Donc, dans une casserole, personne va s'en douter. Le Mac Windows, c'est le bof des profs. Bah, tout le monde le sait. Donc, voilà, forcément, tout le monde va se douter que c'est le bon mot de passe et va le recopier. Et j'aime les frites, mais pas que ketchup. Je l'ai mis sur Insta hier. Donc, même si je raccourcis, c'est trouvable. Et ouais. Ouais, mais attendez, vous avez mis des chiffres aussi. Hein. Et j'ai raccourci. Ça, c'est important. Mais 001, si tu veux, c'est pas ouf non plus, quoi. Bah non. Et ouais. Comment ça, vous avez raccourci? Vous l'avez cité bien plus long. Non, JLFMPLK0001, ça faisait j'aime les frites mais pas le ketchup 0001. On croyait que c'était la longueur qui faisait la différence. Et ouais, mais ça fait partie. Mais j'ai bien compris. C'était une voiture flotte dans une casserole. Vous avez 346 millions d'années avant de trouver le mot de passe. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le programme de l'année, hein, les gamins. C'est vraiment un taf de glandu, ça, d'être prof. Bon, du coup, vous me verrez plus avant la fin de l'année. Monsieur, je vous laisse prendre des vacances. Vous pouvez partir. Qu'est-ce qu'il veut, le Sam, là? Vous pouvez pas nous faire un cours de techno? Ouais, la musique. Ah. Merci, au revoir, monsieur. La tectonique, je vous apprendrai la tectonique fois prochaine. Oui. Salut. Au revoir. Au revoir. Bon, bah après le CPE, faut que j'aille au CDI. Mais qu'est-ce que t'as fait encore? Entre, Adèle, viens. Ah, trop tard, elle est déjà là. Ah, oui, bonjour. Bonjour Adèle, j'aimerais savoir pourquoi tu ne veux pas rendre le livre en fait. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Explique-moi. Ok, c'est simple, hein, faut juste suivre. Ma mère, elle a adopté depuis peu un cochon. On l'appelait Lardon. Bah, il s'appelait Lardon. Et mon cochon a mangé mon livre. Tu vois ? Genre, ça peut arriver à tout le monde. Donc, j'ai voulu le récupérer, mais il a tellement bien digéré que j'ai rien retrouvé. Mais vous inquiétez pas, je vous ai mangé. Cochon a fini en lardon. J'en demandais pas tant. Donc, bah, je suis désolée, Adèle, mais là, va falloir rembourser le livre. En plus, c'est Vendredi et la vie sauvage. C'est un livre qui est vachement connu, qui coûte 27,90€. Je suis désolée, mais je vais devoir faire appel à ta mère. Je vais devoir l'appeler. Même si je vous donne un bout de cochon à mettre madame, en congèle. Madame, désolée. Madame du CDI. Oui, Alex. Je peux vous poser une question. Je voudrais Vendredi la vie sauvage. Vous l'avez ? Je l'avais. Je l'avais. Mais maintenant, il n'y a plus. Un élève. T'es une rivière, mec. Dylan en direct de la classe sur Indestar. C'est quand même bon ce jeu de mots. C'était bien, ouais. J'ai même pas fait attention, j'étais tellement concentré. Alors, moi, j'ai plus le son. Là, on est dans un gymnase, je sais pas ce qui se passe, mais on est dans un gymnase. Je crois qu'il y a un cours de ping-pong. Bah oui, c'est ça, je crois qu'ils font. C'est les 6e qui font du ping-pong. On a le droit. Bah oui. Oui, on a le droit de parler quelque part. Exactement, je suis d'accord. On s'est accosté dans le collège. Si vous venez de débarquer, sachez que vous êtes dans la classe, et c'est le cas une fois par mois. C'est une émission plutôt bon enfant, hein. Et l'enfant, c'est le cas de le dire, puisque nous avons des sixièmes. Ouais, ça se ressent, ouais, ce soir. Hein. Et si vous voulez revoir une émission le mois prochain, ce sera le 8 mars. Exactement. Peut-être. On ne sait pas encore. Alors attention, tu vas te faire ta petite. On ne vend pas l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, il y a des gens qui le vendent. Moi, je ne vends pas l'ours du tout. D'une manière générale, je ne vends pas l'ours. Moi, je le vends, je le tue tout le temps. C'est qu'il y a des podcasts sur Indestar. Exactement. On peut toujours écouter les émissions. Les podcasts qui sont disponibles sur toutes les plateformes internet, et notamment sur indestar.fr. Faites-vous plaisir. Il y a même le replay Twitch où vous ne verrez pas les élèves, puisque je rappelle que nous n'avons pas le droit de filmer à l'intérieur d'un établissement public. Mais vous pouvez revoir ce Twitch pendant une semaine, et ainsi que les autres émissions, notamment celle de vendredi dernier, où on s'est fait plaisir avec des prestations dans Indestar, incroyable talent. Voilà. Amel, il y a un dernier cours dans nos emplois du temps de 6ème T qui sont l'anglais. Je crois que c'est le pire d'ailleurs, avec la meilleure professeure d'anglais quand même. Bah j'espère bien. Comment s'appelle-t-elle cette professeure? Madame Beef. Rose Beef. Rose Beef, ok, très bien. Est-ce qu'on la mange? Trop tard. Ah, c'est au deuxième étage, j'ai vu ce deuxième étage. Bah ouais, mais pourquoi il y a toujours deux étages dans un collège? Je m'en fiche, je prends l'ascenseur. Des fois, il y en a cinq. Hein. On rentre. Bonjour madame. Bonjour madame. Mais madame, mais je n'avais pas que vos lunettes, vous êtes d'une beauté éblouissante. D'ailleurs, je ne vous vois plus parce que vous êtes tellement éblouissant que vous m'éblouissez. J'adore vos yeux, madame, ils se vendent très cher sur le marché. Allez, noir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Cours d'anglais. Oui. Hello. Hello. Hola. Hello. Hello. Hello. My name is Rose. Oh. My name is Taylor. Ah bah non. And you? What's your name? My name is... Ta gueule. À tour de rôle. Miss, shut up. Ta gueule, toi aussi. Shut up. À tour de rôle, je veux que chacun donne son nom, son prénom et son âge. Ok. Ah, pas compliqué. Okay, okay. All right. Par contre, je me souviens plus de votre prénom, alors vous vous débrouillez. On va commencer par la petite là-bas. Hi, my name is Fanny and I'm 14 years old. Oh, elle est âgée, elle a redoublé au moins deux fois l'autre là. C'est parfait. Bonjour. my name is Mélanie. Je sais pas quel âge j'ai en anglais. Aide-moi, Fanny, s'il te plaît. Ah oui, j'ai comme toi, j'ai 14 ans, ça fait combien? 14 ans, 6ème? Oui. Vous avez redoublé pas mal de fois. Oui, bah c'est, j'ai eu des difficultés en anglais, c'est pour ça. Elle a l'air d'être nulle en tout cas. Hello, Mrs. My name is Teddy Felix. Non, Roberto. Mais t'es Roberto? Oh. I'm Roberto. I'm Roberto. Il sait plus même son nom, hein, il est nul. Non, mais on s'en fout de votre nom. Allez. I'm 27 years old. Et what's your phone number, please? Oh! 27 ans, 6ème. T'as 27 ans. Ouais. Non, mais il est vraiment. Scolarité réussie. Oui, I am 14. On ne demande pas l'âge à une jeune femme comme moi. Oh, c'est pas votre âge que je demande. C'est votre numéro. What's your phone number? Après, les élèves demandent le numéro des professeurs. Après, hein. À vous. Oh. My name is Sam. I am 14 years old. My name is Alexandre. I am 20 years old. Parce que je suis pas si âgé que ça. Hello. My name is Paul. I am 12 years old. Yes. Il est fort quand même. And you? Allez. Allez. Mais. Eh ben vous n'aurez pas un point, tant pis pour vous. Hello, my name is Thomas Onion. Je sais pas quoi qu'il est au nom. On s'en fout, allez. I 11 years old. Ah, c'est l'alarme incendie qui retentit. C'est rien, juste un petit problème. Alors tout le monde a son point. Ben non, c'est pas moi. Ah merde. Ah, vous avez oublié quelqu'un, madame. Hello, my name is Rachel Lavoisine. I have. Ayam, on dit Ayam. Ayam. Ayam. Non, Ayam, vous avez dit. Mais bah oui, Ayam. Bah, Ayam. C'est comme oui, le groupe de rap. Hein. Ayam. 11 years old. T'es mort dans le game. Donc, tout le monde mais a le point. Dit, sauf la demoiselle là-bas qui n'a pas su dire son. Non. Et nous avons le petit là-bas et la petite là-bas qui n'a pas le point. Mais ça se dit, Ayam. Ok. Ensuite. Pour connaître un peu votre niveau d'anglais, bien sûr, on commence par... Par... Hello. Hello. Hi. L'alphabet. How are you? L'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Non, ça se dit Zizi. Hein. Zizi. Nous allons faire un groupe de deux. C'est pas un groupe, c'est un duo, madame. Excusez-moi. Un deux groupes. Ça se dit vraiment Ayam. Hein. Mais non, trop pas, on dit Ayam. Mais bien sûr que si, elle est sur Google. Hein. C'est Ayam. Allez sur Google. Le téléphone est en place. Ayam, ça se dit pas. Hein. Mais si. Ayam, c'est autre chose. On s'en bat les couilles. Dans tous les cas, tu n'as pas le point, c'est tout. Moins un point. Alors, j'en ai déjà pas. Bah, moins un. Et bah, voilà. Quand t'en auras plus. Je vais faire deux groupes. Ici, le petit. Alors, pourquoi la preuve d'anglais n'est pas en anglais quand elle donne les consignes? C'est la in première English, please. In English. Je suis une fausse anglais. No, I speak espagnol. Ça, c'est pas vu, madame. Alors, vous cinq, là. Ouais. Vous allez me faire l'alphabet. Et celui-là, le premier groupe qui me jugera le mieux l'avoir fait, quoi. Ok. Il aura le point. On chante l'alphabet comme on voilà, a fait. Voilà, à 5. On y va. Okay. Allez, 1, 2. Non, attends. 1, 2, 3. Let's go. A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, K, L, M, N, O, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mais déjà, c'est Z qu'on dit pour le Z. Mais Z. On dit Z. Non, ça se dit Z or Z. C'est ça dans l'alphabet. De toute façon, pour quelqu'un qui dit Aya au lieu de ouais. Aya. Ça se dit, non, mais tais-toi. Chef d'œuvre, ferme ta gueule, sors de mon cours. Mais c'est... Exclusion, madame, faut arrêter. Je pense que madame Rosebif devait être enseignante en Z. Et ensuite, je veux le petit gamin là-bas et vous trois. Enseignante en Z. Et moi, bah chante avec eux. Bah oui, déjà tu m'aurais écouté, j'avais 10 et 5. Allez. Et bah 1, 2, 3, 4, 5. Moi je dis non. J'avais dit le jeune homme là-bas, il partait avec le truc qu'il fallait. Tout à fait. Attention, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, Z, U, X, Y, Z, U, X, Y, Z, O, Z. C'était pas moi, c'était moi. Un bien. Point pour vous, l'équipe. Quoi? C'est... Non, parce c'est que... une blague. Non, toujours chanter plus fort. Non, mais c'est une blague. Parce que. Y'a pas le rythme. Que... Pico. Roberto, m'oublie pas. Because. Because what? Ah, what's this? Ah. Because. Why, Beko, why? What the fuck? Why? What? Pourquoi why? Ouais. Et bah parce qu'il y en a qui n'ont pas fini de chanter à la fin. Mais on s'en fiche. Vous n'avez pas tous chanté. Vous n'avez pas tous fini. C'est pas parce qu'ils sont nuls que nous on doit être associés à des nuls. C'est de l'équipe. Oui, mais nous on n'a pas besoin. Vous travaillez ensemble. Vous êtes dans la mauvaise équipe. On n'a pas demandé d'être avec eux. Hein. On vit ensemble, on meurt ensemble. Ensuite, ça va pas être compliqué. Je vais vous pointer du doigt. Et à chaque fois que je vous pointe du doigt, on vous dit de 1 jusqu'à 10. C'est pas compliqué. D'accord. Ok. 1, 2. Non mais. Un chiffre. Ah mais je croyais que c'était de 1. 1. 2. 4. C'est facile après tout, c'est free. Free. 4. 5. 6. 7. 9, 10. C'est bien. Ah, on est bon, hein. Tout le monde a le point, sauf Sam. Parce que du coup, c'est 1, 2, 4. C'est oui. Voilà. Troisième... Oh, on m'a toujours appris que c'était 1, 2, 4. Hein. Oui, bien sûr. Troisième exercice. On prend vos ardoises. Allez, hop, hop, hop, hop. Ouais. Okay. Les petites ardoises. Ouais. C'est pas compliqué. Je vous dis un mot en français, vous devez me l'écrire en anglais sur l'ardoise. Ok. C'est comme la dictée de monsieur français, sauf que là, c'est en anglais. Est-ce c'est que ça. Si c'est mal écrit, on a quand même le point ou pas? Bah non. Bah non, t'es nul. Hein. Attention, le premier mot, c'est mars, le mois de mars. On commence simple, ouais. Franchement. Simple. Ah. It's very simple. It's basic. C'est elle qui est bonne en anglais, copie. J'ai eu un bon. Oui, c'est bon. Et vous, le petit Alex, là? Ouais. J'ai mis March. Ouais. Parfait. Alors, Roberto, il avait pas bon, il est en train de tricher. Roberto, ouais, il a mis un S. Va retourner au foot. Du coup, tout le monde a le point sauf Roberto. Oui. Ok, attention, deuxième mot. 14. Attendez. Comment on écrit 14 en anglais? La la la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est 14. C'est bien F là, pardon. C'est un F. Ouais, mais il a mis un A. O. Non, je n'ai pas mis un U. Un R, un T, un E, un E et un N. Ouais, c'est bon. Ouais, à peu près, vous connaissez à peu près, c'est bon, ça va. Oui. Hop. Ouais. Et bah même les garçons bon. Roberto, t'as mis quoi? C'est bon, tout le monde a bon. Oh les espoirs. Même Roberto commence à monter un peu. Il commence à piger le attention, truc. Attention, un peu plus dur. Mais après c'est sorti il y a pas longtemps. Je pense que vous l'avez tous vu. Mercredi en anglais. C'est un peu plus dur mais ça le fait. Oh, j'ai un trou de mémoire. Genre le mercredi est sorti il y a pas longtemps. Avant il y avait Monday, Tuesday, Thursday quoi. Ah je suis pas sûre. C'est ça. I'm not sure. Vous n'avez jamais vu Alex la série Mercredi? Non. Sur Netflix? Bah non, c'est pas de mon âge. Je suis pas sûr. C'est pas de mon âge. Non, c'est pas bon. Eh hey, ouais. Hop, c'est bon. Ah, j'étais pas sûre. Attends, moi je suis pas sûre. Attends, j'ai pas regardé. Non, ça c'est pas bon. C'est samedi, Saturday. C'était Wednesday, monsieur, oh, madame. C'est là, pas il trop, manque hein. Un E. C'était Wednesday, madame. Madame, vous voulez pas me donner vos yeux que Wednesday. Je les vois ouais, sur ça le marché bon. Noir. W-E-N-E-S-D-A-I. Non, il y a un D, non. Grec. W-E-D-N-E-S-D-A-I, grec. Ouais. W-E-D Ché. Oui, Ché. Wednesday. Qui d'autre ouais. A eu bon ouais. Pas moi. Attention, on lève la main. Personne. Eh ouais. J'ai oublié le D. Si, nous, de notre côté, on avait tout bon. Non, t'as triché. Si, si. Moi, j'ai pas bon, moi. Moi, je sais. Roberto. J'ai oublié c'est le bon. Attention. Je sais que j'ai une petite touche d'amour. On sait tous que les English ont des touches d'humour. Moi, je trouve, madame, vous avez pas trop d'humour pour une. Enfin, par rapport aux autres qui ont de l'humour. Ouais, franchement, vous êtes franchement. Je préfère Mr. Bean. Hein. C'est parce que clairement, ça me fait chier d'être là. Vous faites peur. Ça. Mais ça se voit un petit peu. Comment on dit. Écrivez-moi en anglais chien chaud. Facile. Facile. Ah, rien de compliqué. Chien chaud. Chien chaud. Chien chaud. Et yes okay. C'est voilà. Le fameux hot dog. Avec la moutarde. Et madame, avec... Yétrich, il a regardé mais sur ouais, moi. Mais madame, à chaque fois, Roberto, il écrit après les autres. Oui. Alors prenez ouais. Une décision, madame. Franchement, c'est de la triche. Hein. Non, il avait déjà écrit, il écrit les points. Non, je suis en train d'écrire les scores. Ouais, c'est ça. Tout le monde c'est a bon. C'est bizarre, madame. Madame, Alex, il a triché. Attention, sur le prochain mot, je peux avoir deux mots différents. Ah. Okay. En gros, ça peut s'écrire de deux façons, okay. J'accepterai les deux. Okay. Un cahier. Quoi ? Ah merde, j'ai un trou. Je sais pas. Ah merde. Bah alors, les gars. Ok, bon, mais je sais pas. Moi j'ai trouvé. Ah, mais si, je suis con. Mais. Regarde Antoine. Thomas. Thomas. Alors, un cahier. Cook. Cookie. Copybook. Copybook. Ah ouais, c'est de le petit cahier là. Ah oui, c'est bien. Ouais. C'est un cahier pour ça, faire des bon. Copies. Ça c'est bon. A book. A copy book. Et ça c'est bon, sauf le notebook, il y a un E après. Oui, il y a un c'est E. Note. C'est N-O-T-E-B-O-O-K. Ouais. Donc Roberto, désolé, Roberto et le petit là-bas, Cyril. Mais j'ai book quand même. Vous avez faux. Mais non, c'était pas book tout court, un book c'est un livre. Mais non, j'avais demandé des orthographes correctes. Bah oui. Bah ouais, mais j'en ai un sur deux. Donc en fait, oui, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Copybook. Et attention, le dernier mot, c'est simple, c'est trois lettres. Comment on dit un lit en anglais? Ah. Ah. C'est attention. Comme mon papa, des fois, il en fume. Il fume des lits. Bah quoi? Yes, il a le droit? Yes, yes, yes. Non. Yes. Yes, c'est bon. Un B, un nous E avons et un D. Le petit gros là-bas, c'est Thomas. Qui a c'est pas eu. Gentil, c'est grossophobe, madame. Ça fait de la discrimination. Ouais. Et attention, je donne un point bonus. Là, oui vous n'avez plus besoin d'ardoise. Attention, plus besoin d'ardoise. Attention. Okay. On lève la main, on n'est pas des... Okay. Des hein. On a levé la main. Bah. Donnez-moi d'autres façons de dire au revoir que goodbye. Hein Paul hein. Have a good day, je sais pas. Ah ouais, have yes, a good day, yes, ça marche. Yes, have a nice day. Un point supplémentaire. Have a nice day. Roberto. Good week. Oui. Yes. Have a nice day. Yes. Yeah. Adios. Non. see you. Later. Yes. Ah, see you next time. Les gars. Ciao. Non. Est-ce que ça marchait? Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Oui, mais vous avez déjà répondu, madame. Madame. Allô, t'as se réveille en anglais à la fin du cours, quoi. Je crois qu'on a tous les temps. Ah bah. Bye bye. Bye bye. Have a good day. See you. See you later. I see bye you. See you soon. Ah. Enfin. Et hey, Thomas. Oui. Ouais, tu viens avec le foyer, on va planter des salades derrière le collège. Ouais, mais j'ai pas la main verte. Bah moi non plus, elle est rose. Mais viens, on va se marrer. En plus, j'ai piqué des graines dans le jardin. Et je vais te dire, avec mon papa, c'est pas des salades. Ah, c'est pas un mensonge? Non, c'est des graines que quand elles poussent, ça fait des feuilles. Et mon papa, il les transforme pour mettre dans ses cigarettes que quand il fume, genre il est en colère et après il est plus du tout en colère, c'est trop magique. Ah, ça a l'air stylé ton truc. Ok. Peut-être qu'un jour, j'aurai la main verte. Vas-y, on y va avec Roberto, ça fera un trio. Ah, d'accord, on y va avec Roberto. Roberto, tu viens? Ouais, je viens. J'ai pensé que peut-être on pourrait nous permettre de fumer nos pelles. J'ai pensé que le bien-être ça se retrouve dans la fête et que ce commerce fait au sol. Pas te permettre. J'ai compris en fumant que c'était l'argent que j'en donne à des gens qui allègrement des paillons diamants sur d'autres pauvres paysans. Alors c'est bon, ben bon, j'ai la solution. Des tonnes de graines pour des hectares de plantation. Ça ferait des jardins, décorer les balcons. Tombé sur Indestar. Dylan dans ton flux internet pour te présenter la classe. Et ils sont trop chauds. Ouais, la petite différence, c'est qu'il est 21h21. Attends. Oui. C'est la chanson de l'école. On mange le type de colle. On y chante comme des. C'est nul en fait. C'est très nul. On s'ambiance sur des trucs nuls, mais en même temps, c'est normal, c'est les YOLO Music. On a l'habitude. Bon, en tout cas, sur le chat de Twitch, ce soir, il y a le petit chat Félix qui nous écoute et il nous dit, elle nous dit, vous me faites trop rire depuis tout à l'heure sur la route, vous écoute et je me tape des barres. Amélie, elle te sort des trucs, c'est que des pépites. Gros bisous à Félix. Exactement. Et évite de te faire mal, hein, avec les barres. Avec les barres. Ah ouais, se tape des barres. La barre de fer, vous rappelez. Sérieux, ça vous fait de même pas rire, non, non, c'était non, nul. Non, parce c'était que nul. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Je crois qu'il faudrait que je revoie mon stock de blagues. Oui. Oui. Ressort un carnet. T'es en mode années 90 encore. Bon, on a suivi des cours tout au long de ces deux heures. D'ailleurs, si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à aller dès demain vérifier le podcast, puisque ça sera dispo pour écouter cette émission si souvent que vous voulez. À l'issue de ces cours, il y a des bonnes moyennes. Et il y a des mauvaises moyennes. Il y a des mauvaises moyennes. Enfin, genre, le calcul est en cours. Et le but du coup du conseil de classe, c'est de féliciter celui-là qui aura la meilleure celui. Moyenne et démonter celui-là qui a perdu. Eh, je suis pas prof de français, je suis prof d'anglais. Oui, mais quand même, okay. Celui vraiment. oui, de démonter, bah c'est surtout et de démonter. Démonter le dernier quoi. Ah, on est d'accord. Ok. Ouais. Donc normalement, le conseil a calculé la moyenne générale et nous allons le savoir. Nous allons délibérer dans quelques instants. Est-ce que tout le monde est prêt à partir en conseil de classe? Oui. Ouais. Parti mon kick. Mesdames, messieurs les professeurs, les minus, pardon, les délégués de classe, nous allons maintenant commencer ce conseil, celui des 6T, à savoir mademoiselle Rachel la voisine, oui. Mademoiselle Adélogé, oui. Monsieur Thomas Tognon, oui. Monsieur Roberto Carlos, oui. Monsieur Alexandri, oui. Monsieur Polémique, oui. Monsieur Cyrillique, oui. Et Monsieur Sam Lécasse, oui. Mademoiselle Mélanie Léfée, oui. Madame Fanny Léfée, oui, monsieur. C'est Monsieur Papayou, pardon, Monsieur Carlos, qui représentera ses camarades. Je vais vous laisser énoncer la moyenne de chacun en commençant par la meilleure. Monsieur Roberto Carlos. Attention, attention, oui. Roulement de tambour. Alors, la meilleure... Ah, s'il vous plaît, je vous prie. La meilleure note, monsieur... La meilleure moyenne. Oui, pardon, excusez-moi. Jeune homme. C'est mon pote Alex qui l'a eu. Il a eu 15,8. Bravo. Est-ce qu'on a demandé de féliciter monsieur Alex? Je ne crois pas. 15,8, c'est une bonne moyenne, mais attention, nous sommes en sixième, je le rappelle. C'est correct. Monsieur Alex, nous allons vous décerner donc le diplôme du meilleur élève, à savoir que ce diplôme, si vous voulez en être fier et le conserver jusqu'à la fin de scolarité, il va falloir que vous, les trimestres prochains jusqu'en votre troisième, vous les honoriez, d'accord, monsieur Alex ? Oui, monsieur le proviseur, mais vous savez, vous êtes très beau, déjà. Je vous ai rien demandé. Et ensuite, moi, je vais tout faire parce que mon papa, il m'encourage à avoir les meilleures notes possibles. Eh bien, c'est bien. Il a un peu bugué la fin, Alex. Votre papa, il va faire le nécessaire. Continuons en classement, monsieur Roberto, s'il vous plaît. Alors, dans le classement, comment dire ? Attendez, je passe un truc à ma voisine, voilà. Tenez, voisine. Elle est là, la voisine. Je passe mon téléphone, comme ça, elle peut parler par message à ma petite copine. Allez-y, monsieur Roberto, nous allons pas y passer la nuit. D'accord, d'accord. Alors, en deuxième, nous avons Rachel, avec 14,6 de moyenne. Bravo. Merci. On dirait un peu une secte, tu sais, alcoolique anonyme. Ouais. Mademoiselle Rachel, c'est une bonne moyenne. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas donné les félicitations à monsieur Alexandri, qu'on peut les donner. Est-ce qu'on les donne aussi à mademoiselle Rachel, la voisine? Ou oui, on peut les donner aussi. Allez, donnons les félicitations à mademoiselle Rachel, la voisine. Merci, merci, merci. Ouais, bon, je suis pas bon. Ça me chiffonne un peu. La troisième moyenne générale. Et c'est pour ça que ça me chiffonne, parce monsieur que je suis juste derrière avec 14,1. Et 14,1, c'est une bonne moyenne. On peut féliciter ouais. Monsieur Roberto. Merci, monsieur. Je peux y aller ? Cela dit, nous allons pas lui donner les félicitations, non. Mais plutôt les encouragements du conseil de classe. Quoi ? Bonne chance ! Il n'y a que 0,5 de différence, monsieur, c'est injuste ! J'aime pas la justice. Que voulez-vous ? Vous êtes troisième, vous êtes mauvais, vous êtes au pied du podium. Oui ? Non, c'est quatrième au pied du podium, monsieur. Alors... Oui, enfin bon, vous êtes au pied du première marche, quoi. Ensuite... Ensuite, nous avons une des deux sœurs. Alors, j'ai oublié leur prénom, je les mélange tout le nous temps. Je crois que c'est Mélanie. Mélanie ou Fanny. Oui, c'est Mélanie. C'est Mélanie. Elle a 13,8 de moyenne. 13,8 de moyenne. Ça je pense qu'à Mélanie, on peut aussi lui donner les encouragements du conseil d'accord. De classe. Ouais, je suis d'accord aussi. Alors, bonne donnons chance. Les encouragements. C'est suivi de Paul. Paul qui a 12,25 de moyenne. Non. Bon. J'ai travaillé. Alors Paul, malheureusement, ça ne sera pas suffisant pour obtenir les encouragements, mais on vous encourage tout de même à poursuivre dans cette voie et à vous améliorer pour les trimestres suivants. Ça descend dur quand même là. Alors ensuite, après le 12,6. Adèle. Nous avons Adèle avec 11,6. 11,9. Pas non plus. C'est vrai que c'est moyen quand même. Ça descend. Hein. Ça reste au-dessus de la moyenne. Oui, mais, ouais, mais ça descend. Nous sommes en sixième. Je veux dire, si nous n'obtenons pas une moyenne au moins en sixième, nous avons peu d'espoir pour les années suivantes. Hein. Ça va aller. 11,9, mademoiselle. Bah oui, je suis désolé. 11,8, c'est comme ça. Non, 11,8. 9. 9. 9 ou 8. 71,5. 71, ça fait un peu beaucoup. Hein. Hein, c'était 11,5 divisé par 6. Pardon. C'était 11,9. 11,9, oui, voilà. Oui, oui. Les moyennes suivantes, elles sont encore plus basses. Je commence à avoir peur. Ah, non, non, nous avons une égalité. Adèle est à égalité avec Fanny, avec 11,9. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié Fanny. C'est pas parce que. Parce que avons... Fanny, elle était sous la table. Fanny, on l'applaudit pas plus. Fanny, comment il va falloir faire des efforts les trimestres suivants. Continuez à vous accrocher. Fanny, on vous donne pas le micro parce qu'on vous a rien demandé, tout simplement. Ensuite, nous avons Sam. Bien. Sam. Sam, oui. Qui est avec 11-1. Il est que des 1. Oui. Non, ça s'applaudit pas. Hein. Ça ne s'applaudit pas. C'est une perf quand même. Bah oui, c'est déjà bien. C'est pas une performance. 11-1, il va falloir mettre un coup de collier, monsieur Sam, si vous ne voulez pas terminer tel un chien. Le collier rapport, bref. C'était une bonne vanne, monsieur, je trouve. Ouais, c'était pas mal. En parlant de chien, c'est qui le dernier qui va prendre cher, monsieur? Je sais pas, mais là, entre les deux, là, j'ai 11-1. À mon avis, on n'est pas très loin de la moyenne. Ça sent le roussi. Hein. Monsieur, si vous devez choisir l'un des deux, lequel vous voulez vous aimeriez plus saquer que l'autre? Quel est le pire élève de cette classe? Cyril. Ouais. Cyril. Eh ben non, Cyril. Non, c'est les deux. Cyril. Les deux, ils sont à exacte égalité avec 10-2, monsieur. Ouais. Nous avons un duo. Je vous en prie, ne les applaudissez pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas en dessous de la moyenne. La mauvaise, c'est que 10,2 en sixième, vous partez sur une très mauvaise scolarité. Est-ce que les professeurs veulent intervenir? Rien à rajouter. Personne n'a rien à rajouter. Non, pas de commentaires. RAS. Non, je passe. Alors, comment vous dire moi, monsieur Alinéa, prof de français, je les ai eus dans mon cours. Tout à fait. Et franchement, déjà, ils étaient dans le fond. Je voyais rien à ce qu'ils écrivaient. Hein. Franchement, ils font aucun effort. Sans compter que, bon, je leur ai donné des mots assez simples quand même, comme ornithorynque. Alors, monsieur... si je puis me permettre, c'est pas forcément les mots les plus simples, surtout pour une classe de 6ème. Hein, oui, bon. Mais quitte à écrire ornithorynque, autant l'écrire phonétiquement, à la rigueur, j'accepterais. Mais là, ils m'ont quand même écrit orthorynque, orthoquinx, ornithorynx. Voilà. C'est inadmissible. On est d'accord, c'est inadmissible. Et quelque chose à rajouter. Il était croisé avec un lynx, c'est pas mal. Oh yes, yes, of course. Ah, la prof d'anglais. Yes. Mademoiselle Rosebif, je vous en prie. Je trouve ça inadmissible parce que Cyril n'a même pas voulu répondre à ma première question. Ok, elle y a-t-il donc, voulu répondre à la deuxième? Oui, mais voilà, hein, c'est vraiment ridicule. Et l'autre, là, Gugus d'à côté... Thomas. Il me dit quoi? Je lui dis, me demander de lui traduire le mot lit et Mark Living. Effectivement, là, on c'est a le touché salon. Le fond. Hein. Messieurs Cyril et Thomas, vous êtes dans le même bateau quelque part. Vous touchez le fond ce trimestre, ce premier trimestre de votre scolarité au collège. Moi, très clairement, dans les années à venir, je vous vois, je sais pas, fourreur par exemple. Vous sous continuez de creuser le fond pendant 40 ans de carrière. Ils avaient déjà l'habitude de creuser le fond. Peut-être dans l'informatique, aligner des 0 et des 1. Monsieur, votre choix. Je crois qu'ils vont terminer sous un pont. C'est possible. En tout cas, vous faites honte à cet établissement qui est déjà médiocre, c'est dire le niveau. Et vous confortez les adultes que nous sommes dans les jugements que nous avons de votre génération. Je vous passe les détails. Maintenant, à vous de voir. Deux choses l'une. Soit vous poursuivez dans cette voie et vous serez vite renié de votre entourage et de la société d'ailleurs tout entière, qui vous emmènera sûrement jusqu'à vous jeter d'une falaise des Trotas. Ou alors, vous demandez à votre père de vous prendre des bottes de 46 qu'il vous enverra dans le derrière pour vous redonner envie de travailler, de devenir quelqu'un. Maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que c'est clair, messieurs? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Je ne crois pas, j'en étais sûr. Il a dit quoi, lui ? Nous allons maintenant clore ce conseil de classe. Vous pouvez pleurer, vous avez le droit. On prendrait des mouchoirs. Eh ouais. Messieurs, dames, les professeurs, merci d'avoir été présents. Monsieur Roberto Carlos, merci d'avoir été présent également. Merci, monsieur. J'ai bien travaillé, moi. Pas tant que ça. Ah. Et nous donnons rendez-vous au prochain conseil de classe. C'est à ça. Vous, Alex. Au revoir. Ah, on a du commentaire. Hein. Ouais. Là, est-ce que le chat a réagi au conseil de classe ? Ah, ils les ont saqués aussi. Ah, bah non, il y en a qui va se faire allumer au conseil de classe. Mademoiselle Roseby, faut taquer. Quelle violence, ah, oui, on nous dit tout. Pourquoi tant de haine ? Le proviseur, c'est un fou. Peut-être, oui. Il a peut-être cette tendance-là, oui. C'est ça la classe. Hein. C'est ça la classe en même temps. La classe est sympa jusqu'à la fin. Mais j'ai envie de dire, mais qui sera le prochain ? Eh bien, nous allons le savoir le mois prochain. Exactement. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter les podcasts, bien entendu. Sur le Twitch également, si vous voulez réécouter la rediff. Hein, c'est possible. C'est disponible pendant une semaine. Une semaine. Alors que les podcasts sont disponibles ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, toutes les podcasts des différentes émissions d'Indestar. Ils le sont. Qu'y a-t-il d'ailleurs au programme cette semaine ? Parce que c'est pas fini la semaine. Alors non, demain par exemple, il y a les Peak Avengers. Ils sont vraiment très beaux. Oui. Si vous connaissez le générique d'année dernière, effectivement, c'est ça. De 21h à 23h, ils seront encore là. Alors, ce sera toujours pas l'équipe habituelle, on va dire. Par contre, il y aura une thématique qui sera dans le prolongement d'aujourd'hui. Évidemment. Ce sera la jeunesse. L'adolescence. Donc, oui, car on était au collège, effectivement, on était jeune. Ouais. En théorie. Ouais. Mais on est encore jeune, non ? Bah, je sais pas, c'est moi j'ai dit que j'avais 27 ans au cours d'anglais. Tout est dans la tête, Linda me fait signe. Alors, plus tant que ça, Linda, mais. Tout est dans la tête quand même, mais jusqu'à une certaine limite, tu vois. Mais toi non plus, hein. Ouais, ça va. Et sans toi aussi, hein. On va parler de jeunesse et de pop culture, hein. Okay. On verra bien. À partir de 21h, donc demain soir. Et on aura des jeunes en plus. Qui représenteront la jeunesse. Et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Des moins jeunes qui représenteront plus la jeunesse. Mais bon. Et après jeudi, c'est. C'est le vendredi, évidemment. Ouais. L'émission débat. Le thème love, le thème amour, le thème Saint-Valentin, le thème coucher les enfants. Alors très clairement ta vision de la Saint-Valentin, elle est très sexuelle. Non non attends. On dit pas la mienne hein. Mais... On a fait les sujets ensemble. Ouais, et ce qui est ressorti, on vit ensemble, on meurt ensemble. Bad boys. Je peux te faire une conclusion comme à la fin des émissions débat. L'amour est un peu mort hein, quand même chez nous tous. Hein. Non, l'amour, ouais. C'est pour toujours. Et précisez bien, moins de 18 ans. Oui, j'ai précisé, pas d'enfant. C'est beaucoup alors, de plaisir, l'amour. C'est beau, mais l'amour, ça se vit. Et l'amour, ça se vit avec son expérience. C'est encore mieux. Qui seront détaillés vendredi soir à partir de 21h dans cette émission Débat Love Saint-Valentin. Ok, très bien. Voilà. Puis bien sûr, on se retrouvera la semaine pas prochaine. Si, non, mais il y aura des choses la semaine prochaine. Si, il y aura les Peak Avengers. La rediff de la classe, tous les jeudis. Plein de bonnes choses qui vous attendent, évidemment, sur Indestar, avec des talents à découvrir tout au long de cette semaine, n'est-ce pas, Bien sûr. Qu'est-ce qu'on écoute là-bas ? Vous découvrez déjà tous les mois. Oh, baf. A-t-on besoin de te découvrir autant ? Je ne sais pas. On me découvre à ma manière. D'ailleurs, ça te rappelle pas un titre, ça ? Si, le titre de Gomard. Yes, à sa manière. Je l'aurais tellement fait pareil. Putain, je suis bonne. Elle est encore meilleure. Je l'aurais presque dit aussi, mais. On vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fin de semaine aussi. Salut tout le monde. Des bisous. Ciao. Des bisous. Bonne soirée. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.